Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 103e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Oui! Yes. Oui! Je suis Bruno Georget. Je suis Nicolas Lachapin. JF. Jean-François Comte, a.k.a. Jésus. En haut de moi, il y a juste deux personnes. Il y a Dieu et... par-dessus moi. Exact. Même Zardoz en premier. Dans ouais, c'est ça. Dans mon livre à moi. Moi, je suis simplement Fred Gémus. Mais tellement plus, en même temps. Tellement plus. Très plus. Et Dominique Bourret, a.k.a. Papa Cassette. Ouais, exactement. Parce que Steve Jackson ne savait pas qui que j'étais quand il m'a écrit cette phrase. C'est moi, regarde. Il est là, là. Fait que, mais non, c'est ça, on nous a dit, des fois on sait pas qui est qui, fait que présentez-vous. Ouais, c'est, on, oublie, on va prendre l'habitude de le faire. Il y a des nouveaux auditeurs. Exactement, on a des nouveaux auditeurs, fait que c'est le fun. Et puis, on a une nouvelle commandite, donc merci beaucoup. Oh, oui. River Bend, qui est une microbrasserie de Alma. Ils nous ont envoyé 48 belles bières de plusieurs sortes différentes. J'ai collé 4 de chaque dans leur proposition. Donc, écoute, on a de la stout, de la IPA, on a des lagers de saison. J'ai une PLL 50-50. Exact. Ah, il y a tout, sérieux. De la ISA pour les faiblons qui veulent pas être sous comme moi. Pour les conducteurs. Là, on embarque avec Nick à soir, fait qu'on peut boire comme on veut. Ils vont se défoncer. Je pense qu'ils vont vomir dans mon auto là, d'ici minuit. Un vomi commandité Riverbend. Yes. Pas de la bière de guenille. Non, c'est ça. Qu'est-ce que vous vivez, vous autres, les gars? Moi, j'ai une blanche 150e, une bière naturelle non filtrée 150e à de 5% Alma. D'alcool à d'Alma. Très bon. C'est l'anniversaire de Alma, probablement. Oui. Très bon. Moi, j'ai une classique session IPA, donc IPA, 3,1%, la bière du conducteur. Exactement. Elle est avec du goût. Mais elle a un goût, c'est ça, ça a un bon kick. Belle amertume. Elle est délicieuse. Ouais. Est-ce qu'elle est plus tropicale un peu en bouche? Ou, Ben, j'ai plus une IPA classique, mais je dirais session. Elle est vraiment bonne. Ouais. Satisfait. Là, nice. Moi, j'ai une IPA Mistral un peu plus forte, mais j'avais le goût de ça, un bon torque là, en commençant. Ouais, exact. Un kick dans ta gueule. T'as replacé. J'aime ça me partir avec une grosse IPA, puis après ça, descendre dans la lager, là, ou bien dans la saison. Aller se reposer un petit peu. Là. Si j'allais dans la IPA, mais je pense pas qu'on va rester là parce que... C'est la même. C'est moi qui conduis, fait que c'est correct. Toi, JF, c'est une PLL? Une PLL 50-50 qui est marquée dessus. Voilà. Ouais, ça aussi, c'est pas pire. L'été, là, ça, ça fait la job, je dirais. Ah, moi, c'est la better que je laissais. Je vais essayer la better la prochaine fois. Ça a l'air bon. Ouais. En tout cas, ils ont ça va être une sûre, une bière sûre. Une pléiade de belles bières. On les remercie. Puis River Bend a une très forte montée présentement dans le monde de la microbrasserie québécoise. Et puis, je vois ça aller aussi sur les pages Facebook telles Capsule Bière. Où est-ce que le produit est beaucoup, beaucoup plus en demande, très respecté. Et puis aussi beaucoup plus disponible, le réseau, ben, vu que c'est du bon stock, ils ont pu grossir leur réseau de distribution, fait que beaucoup plus disponible qu'avant. Donc disponible, je suis pas mal sûr, à n'importe quel magasin de bière spécialisée en région, à l'épicerie en région, je suis pas sûr. Mais même à Montréal. Mais, dans Schlag, il y en a. Dans Schlag, il y en a. C'est facile à trouver dans toutes les places à Montréal où est-ce qu'ils vendent la bière de micro, là, dans le fond. Donc, en canette pour une meilleure conservation. Garochez-vous là-dedans. Essayez ces produits québécois d'une grande qualité. Vraiment. Yes. Dans le chat, Dom, on note ton rasage de prêt ce soir. Ouais, malgré les playoffs. Là. Je me suis rasé malgré les playoffs. Ouais, mais j'étais avec Régène de moustache. Je suis en train de me pogner les nerfs tout seul là, dans ma face. Ah ouais. Je vais me faire couper les cheveux cette semaine. J'ai besoin d'être léger. La poche est due. J'en regardais Nick Zin. C'est comme, c'est pas moi qui va te faire ça. Je te fais ça à pioche, tu sais. Ah, j'ai déjà essayé une fois, man. Horreur! Ah, ça a pas de bon ça sens. Pique après, là, ça pique, là. Ça repousse cette affaire-là. Ah, ouais, c'est fait jamais ça. Ouais. Non. Prochain pre-show, Dom se rase la poche. C'est exactement. Exact, des trucs comme ça. À Rétro Nouveau, Bruno vous donne des trucs de Barbie. Dom vous donne des trucs d'hygiène personnelle. Mais quand tu te fais une vasectomie, anyway, tu le vis de toute façon. Fait que si tu te rases la poche, sinon tu vas le vivre. Ouais. Parce que ça picote en sacrifice. Ah, écoute, c'est. Ça va vite à soir. On parle des vraies affaires, là. Ah, ouais, parle des vraies affaires. On parle de la bière de micro, rasage de poche, man. Clac, prête ta main. Ils devaient être contents de leur commandite, eux autres. C'est dans un moment fort. Il y a quelqu'un qui s'en vient en troc direct là pour finir. Il va vider ce qu'il y a dans le frigidaire. C'est fini. Aïe, aïe. Oh boy. Bon. Ben, ça dérape. Vous êtes présenté par Riverbend. Il y en aura bien d'autres. Oh, yes. Oui, exactement. Il y en a plusieurs dans le pre-show aussi. Merci. D'ailleurs, pre-show, oui. En pre-show, il s'est passé pas mal d'affaires, mon gars. Ben, j'ai annoncé que j'allais speedrunner contre puis je l'ai choqué comme un nest. Je suis tellement gêné. Tu sais, si quand bon. T'annonces au monde de quoi, puis t'es trop confiant, puis là, j'étais pas à l'aise, puis j'étais pas concentré, puis là, je suis mort. Un check mobile batté. Ouais, ben, tu peux blâmer ça sur le lag de NES Mini. C'est la télé est plus petite, il y avait pas vraiment trop de lag, là. C'est vraiment moi qui te choque, là. T'sais. Mais c'est un manque de. Tu sais, comme. T'es assis en angle. Ouais, tu dégages là-dedans aussi. C'est pas pareil. Un gars, il y a une grosse fin de semaine, tu peux pas t'enligner de même. Ouais, tu sais, répondre à des questions en même temps, c'est pas évident. Là, quand non, c'est ça, c'est tough. On a joué à Ghostbusters 1 et 2. On a joué à Home Alone 2. Lunar Pool. Grosse game de Lunar Pool. Lunar Pool, c'est la courbe de difficulté la plus fulgurante des jeux de tous les temps. Première table, tu sais, table de pool. Deuxième table, quatre coins, un petit corridor entre chaque. C'est vrai. Tellement dur. C'était rough. Ouais. Non, c'est ça, on a parlé de la Xbox Scorpio. On a parlé justement des consoles qui coûtent bien cher. Mmh. On a parlé de quoi aussi, donc, JF? J'ai parlé de Steep compétition de Wingsuit que je me suis qualifié tantôt avant le show. Fait que je vais vous en parler dans les prochaines semaines de ça. Je vais essayer de compétitionner dans Steep. Oui. Puis on a parlé des Star jeux. Fox là, Zero. D'acheter des jeux. Star Fox Zero aussi. On a parlé de la Wii U. Exact. On a révélé aussi tous les secrets du livre Le Secret. Exact. Alors, tant pis pour ceux qui ne sont pas Patreon. J'ai manqué tout ça. Non, mais ça, le livre, ça. Ça a été une bonne run, pareil, parce que là, on disait que c'était une demi-heure le plus chaud, mais en fait, quand on est disponible à 20h, on fait une heure. Ouais. Puis là, ce soir, c'était ça. Ça a été une heure de contenu quand même. C'est pas négligeable. Fait que c'était bien le fun. Fait qu'on est brûlé. Je pense que tu voulais clarifier c'était quoi Patreon justement pour les gens qui. Oui, je voulais clarifier quoi parce qu'en fait, j'ai reçu des questions par rapport à ça. Puis il y avait quelqu'un qui me disait hey, je suis désolé, je serais pas Patreon, j'ai pas 140$ à mettre par mois là-dessus. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne Patreon. En fait, Patreon, c'est le fonctionnement, c'est que tu donnes le montant que tu veux par mois. Donc, si tu veux donner. La bourse de tout le monde est différente. Là. Donc, si tu veux donner 1$, tu as le droit. Si tu veux donner 3$, 10$, 20$, c'est à ta discrétion. Puis, le montant que tu donnes te donne accès au pré-show. Donc, les Patreons, eux autres, ils ont accès à du contenu exclusif. Et ce contenu-là, comme le pré-show, n'est pas disponible pour tout le monde. Donc, tout le monde qui nous écoute présentement, ceux qui sont pas Patreon n'ont pas accès à ce contenu-là et n'y auront jamais accès, en fait, à part s'ils deviennent Patreon. C'est pour justement remercier et être aussi gentils qu'ils sont avec nous autres. On a une bonne clientèle Patreon. On donne plus de temps, là, comme on peut, à chaque épisode. Puis on répond aux questions des gens sur Patreon. Oui, aussi, là, exactement. On répond aux questions, puis c'est ça. C'est du contenu exclusif, puis on essaye aussi... On aimerait bien ça prochainement aussi, faire une game avec les Patreons. Entre autres, on a parlé de peut-être se faire une game de Jackbox avec les Patreons à distance. Ça serait cool. Ça Street Fighter cool. Avec les Patreons. Ouais, exact. On pourrait leur sacrer à voler. Eh oui. Se faire une petite room, là, puis faire ça. Je vais évaluer ensemble. Ça comme on préfère. Si on pourrait avoir les commentaires du monde en même temps, ce serait encore mieux. Ben oui. Tu vois, Jean-François, ce contenu... incroyable est-il disponible rétroactivement? Toujours sur la page Patreon. Fait que tout le temps caché, c'est pour ceux qui n'ont pas payé, mais ceux qui ont payé fait ont si accès. Si tu deviens Patreon demain matin, tu vas avoir venir, au là, 100, 101, 102. Là, okay. Ouais. Ouais. Tu vas pouvoir revoir ton pote speedrun. Exact. Oui, parce que c'est pas toutes les semaines, regardez Papa Cassette choqué. C'est pas tout le monde qui sont là live pendant le pre-show, fait que c'est pour ça qu'on le laisse par après. Ouais, c'est ça. Ce qui est le fun du pre-show, c'est que c'est un peu comme notre show, c'est intemporel, mais des fois aussi, on débarque puis on parle de d'autres choses, comme tantôt, on a parlé de séries télé. Ouais, c'est vrai. Entre autres, tu sais, puis de services d'abonnement pour du streaming puis tout ça, fait que c'est ça qui est le fun. On fait à peu près n'importe quoi dans le pré-show, puis on n'a pas d'agenda précis, puis c'est vraiment les behind the scenes du Patreon. Pas du Patreon, mais du rétro nouveau pour exact. Les Patreon. Donc, c'est ça. Et sur ça, on passe à un nouveau segment très excitant. Yes. Oui. Take it away, les gars. Alors, as-tu de la musique pour ça, Jeff? Non, j'ai pas pensé. Prochaine fois. Mais tu pourrais mettre la musique de Bugs Bunny Crazy Castles au pire. Ouais, j'avoue. En attendant. Aussi. Yeah. Oh, oui. Alors, un nouveau segment, mesdames et messieurs, ça s'appelle La ruée vers l'or gris. Et puis, dans le fond, ça va se passer entre moi et Fred. Yes. On est chacun à 12 jeux de terminer. Notre full près. Set. À peu près. Mais on compte pas Stadium Events là-dedans. Non. Ouais. Un peu tôt, là. On va pas hypothéquer notre maison. On n'a pas 20 000 piastres à mettre sur une cassette. Mais combien il y a de jeux dans un full set déjà? Là? Ben, il y en a techniquement 678, mais moi j'en compte 679. Là, c'est là qu'on va voir à soir si t'en manques un mais autre. Mais si on compte pas les Alternate Labels. Non, moi je suis là-dedans si je compte le Kirby version française. Ah, ok, mais toi, t'es tout seul à faire ça. Ben au non, monde. Mais techniquement, c'est une ROM complètement différente du jeu. C'est pas juste l'étiquette. Ouais, vraiment, ben c'est le texte qui est pas pareil. Ben c'est quand même. C'est la ROM qui est différente. Ah. Donc, il manque un jeu. Ok, là. Mais mettons pas ça, là. Ok, mettons pas ça, c'est 178. Ok. Ouais. 678 officiel. Moins 12. Faites le calcul à ma place. Ça en fait en crise, la cassette. Ça fait bien des. Ça fait de la cassette. Ça prend dans la place. Une ça prend maison. La place. Fait que. On a préparé un petit visuel, Jean-François, tu peux le mettre. Hein? Oh. C'est-tu pas bon, ça? Donc, on voit présentement chacun des 12 jeux qu'il nous reste. Et puis, on s'est donné comme règle que quand on arrive à un show comme ce soir, ceux-là qu'on a acquis pendant les deux dernières semaines, on va les barrer. Donc, ça, c'est l'écran pas barré. Et puis, on a nos jeux ici qu'on va présenter devant la caméra parce que... On veut prouver qu'on a vraiment mis cet argent-là comme des imbéciles sur des cassettes. En fait, si tu regardes les deux côtés, il y en a un qui est plus imbécile que l'autre un peu, là, visiblement. Là. Ouais, non, en fait, c'est ça fait juste dire que toi, t'es déjà dans les dettes. Ouais, non, ça va... Mais toi, ça va te coûter plus cher le prochain. C'est affaire. Dinosaur Peak, Little Samson. Little Samson, là, c'est 1003. Ouais, c'est ouais. 1003, ça, moi, c'est fait. Les belles années, ça, 1003. Ouais, là. Ça, je l'ai payé 1003 l'année passée. C'est ça, ça c'est 1005 à cette heure. Je te dirais, tu peux aller encore un petit 200 pour vrai, plus. Ouais, 1006. Fait que c'est vraiment de l'or gris, ça monte. Ça monte encore, même pas un an, ça a pris 30% de valeur. Wow. C'est fou, Red. Ça continue toujours de monter en plus. Là. On rigole. Moi, mais je suis stressé. J'achète, man. Je veux que ça finisse au plus vite. Là. C'est pour ça qu'on va faire ce petit segment-là au début de chaque show. Fait que, alors, cette semaine, JF, tu peux mettre l'image des jeux barrés. Et voilà. J'en ai batté 3. Fred, il en a batté 2. Des beaux pareils. Là. C'est des juste des grosses cassettes qui se sont faites battre cette semaine. Pas des petites cassettes vraiment. Donc, dans le fond, JF, on va les présenter à la caméra maintenant. Yes. Tu peux y aller en premier. Je vais y aller en premier parce que j'en ai pas beaucoup, visiblement. Fait que moi, cette semaine, je claire Wacky Races, qui est un jeu de Atlus, qui est en fait. Un cartoon de Hanna-Barbera où est-ce qu'il y a de la course. Des Hanna-Barbera, puis écoute, c'est pas super bon, mais c'est pas mauvais non plus. C'est un petit platformer correct. C'est pas ça. 500$ bon. C'est pas 500$ bon, mais c'est pas 200$ bon non plus. C'est combien, ça? C'est à peu près... Moi je l'ai fait... J'ai fait un trade puis du cash avec, mais c'est à peu près dans les 2,50, je te dirais. OK. Belle copie. Je me souviens clairement d'avoir joué à ça en location. Ça valait clairement 3,25, tu sais, comme ça, expérience. Ouais, c'est un beau petit platformer. C'est un cartoon de course à la télé, mais il n'y a pas de course dans exactement. Le jeu. Exactement. Juste ça, sauf pour les boss sont en auto de course. Moi, j'étais sûr que c'était un genre de jeu, au moins, ce que tu étais en platformer avec un char, quelque chose un peu à la City Connection, mais même pas. C'est vraiment juste, tu joues le chien, puis tu t'as le chien affaires. Qui fait... C'est ça, Diabolo. Diabolo. Sinon, Diabolo. On reste dans la lignée des Hanna-Barbera. Et il y a le beau Étienne, que je remercie d'ailleurs, qui m'a contacté. Étienne Brizard. Yes. On le salue. Me refiler un beau Jetson. Là, je sais pas quelqu'un. Oh, wow. Fait que dans Hanna-Barbera? Yes, encore dans Hanna-Barbera. Le Hanna-Barbera sur NES vaut très cher, je tiens à le dire. Le seul qui vaut pas grand-chose, c'est le premier Flintstones qui finalement lui vaut à peu près... En fait, il valait rien au début. Puis avec le temps, le monde s'est mêlé avec le deuxième. Fait que le prix a monté tranquillement. Il est rendu à peu près à 40$, mais c'est assez commun. Fait que... Ouais. Mais bon, fait que c'est Diana Barbara cette semaine. Donc combien Jetson, ce Jetsons-là, ça vaut ça? C'est à peu près, je te dirais, dans les 200... Entre 200 et 300, habituellement, que tu le trouves. Parce que là, c'est dur à dire, parce que ces jeux-là sont vraiment rares. Ouais. Puis tu sais, c'est rare que les gens les ont. Faut que tu les trouves sur eBay. Puis sur eBay, ben, tu sais, forcément, les gens, ils se gâtent un peu sur les prix. Puis ça va à gauche, pas à droite. Puis tu sais jamais vraiment sur quoi tu vas tomber. Mais j'ai eu un bon prix pour les deux. Fait que je suis bien content. Aujourd'hui, pour des jeux de même, là, présentement, là, le prix du marché est un bon prix parce que ça va valoir 30$ de plus le mois prochain. Exactement. Puis ça monte tout le temps. Oh, puis toi, mon dame, t'as ramassé trois pépires cassettes aussi. Trois grosses affaires. Elles sont pas protégées. Esprit de Guinée. Moi, je traîne ça de même. Il met ça dans le fond de mon char. avec les avec sacs de training. J'ai acheté Stack Up à un gars de Québec qui s'appelle Phil Bouchard, qui s'avère être un ami de Max, Max Godbout. Et puis, je le connaissais pas. Lui, il collectionnait toutes les Black Label comme ça. Puis, il a décidé de les vendre d'un coup pour se concentrer sur d'autres jeux plus excitants. Alors, Stack Up est un jeu qui se joue avec Rob. Un des deux seuls jeux qui se joue avec Rob. Ça prenait tout un autre kit pour jouer à ça. Seulement disponible en version 5 screws. Et puis, à l'intérieur de ce jeu-là, je pense qu'ils ont tous, ou presque tous, l'adapteur, l'adapteur 72 pins Famicom, parce qu'il y a un board Famicom là-dedans. Ah ouais. Donc, la cassette est plus lourde un peu. Mais ce jeu-là, il est vraiment rare. Là. Celui-là, il est dur à trouver pour de vrai, puis il vaut pas si cher que ça par rapport à la rareté. À peu près 100-120. C'est ça. C'est pour ça, un jeu à 100-120, c'est pas un super pas jeu, puis tu n'as rien à faire avec setup, ça. C'est de la marde. Vous garderez, je pense, le 100e épisode du Angry Video Game Nerd. Là, il fait tout un topo avec Jeromite puis Stack Up, super intéressant. Si. Mais Jeromite, c'était jouable. Ça, Stack Up, c'était... Ça, ça a l'air jouable. Alors, ça allait mieux sans robot, mais... Fire and Ice, ici. Qu'on pourrait aussi appeler Solomon's Key 2. C'est un genre de petit jeu de puzzle là, où est-ce que t'as un petit bonhomme qui ressemble drôlement à Link avec une petite baguette magique, puis elle fait apparaître des cubes de glace, puis en fait disparaître, faut que t'éteignes des flammes. Super cute, super le fun. Sérieux, moi, je joue à ça sur ma NES Mini présentement. J'ai tout le temps ma game en backup savée. Puis quand je veux relaxer, ben, je l'ouvre, puis je continue une couple de puzzles. Moi, ce jeu-là, c'est vraiment une belle découverte. Puis quand je vais l'avoir fini, je vais en parler au show. Ouais, parce que quand tu regardes la pochette, t'as pas le goût pas en tout de jouer à ça. Ah, mais tu te demandes c'est quoi, tu sais, mais c'est pas... Le spine est vraiment... C'est pas aussi agressif. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un late release. Ça me vient de... C'est Max Godbout à Québec, justement, qui me l'a trouvé à travers un gars qui vendait des jeux pour se payer une maison, je sais pas quoi. Fait qu'il a fait des pieds et des mains pour m'envoyer ça, avec le Stack Up aussi dans le même shipping. Il a pu s'acheter une maison avec ça, fait que ça donne l'idée. Il y a un gars qui vendait des jeux de ce calibre pour s'acheter une maison. Mais ça, c'est à peu près... j'ai payé 210. 210? Ouais. Ah ben là, c'est 200, ça, à peu près. Là. On est toujours sur les prix. 210, toi? Ah! Ouais, on est... Ah ben, calice. C'était vraiment 7 piastres de trop d'hommes. Fait que ça... Ouais, non. Ça, c'est 200. Je suis bien content. Et puis, la pièce de résistance pour moi, c'est Swordmaster. Oh, ici, yes. Avec une des pochettes les plus badass au monde. Ça, c'est métal. Ça, c'est hot. Ah, en gris. Ouais. Et puis là, j'ai eu un accident. Ceux qui suivent ma page et ma cassette l'ont vu. À chaque fois que j'achète des jeux, je reçois des jeux, je poste dans ma section acquisition sur ma page de cassette. Donc, vous pouvez voir là, l'évolution de ma collection. Et puis, je magasine les Kid Clowns puis je magasinais les Swordmaster en même temps. Puis dans ma... Ça vaut... Il y en a un qui vaut 100$ de plus que l'autre. Mais là, quand j'ai vu le Swordmaster popper à 176, je me suis dit, Chris, bon prix. Parce que dans ma tête, c'était 276. Tu sais, c'est un drôle de lien. Je pensais 276, puis c'était en bas de 300 US. Puis là, je me disais, ah, mais c'est très bon, ça. Pas 300 US. Je l'achète. Fait que là, en plus, j'ai pas regardé le shipping, puis le gars il marchait avec UPS, puis quand tu fonctionnes avec UPS, des fois, payes de la douane. Ouais. Je reçois le jeu, le facteur, le gars d'UPS, il me dit, 46$ de douane. J'ai dit, quoi? Calisse, man, OK. Fait que là, j'ai réalisé que j'ai payé ce jeu-là 100$ US de plus que sa vraie valeur parce que je suis trop cave et j'ai pas allumé. Mais c'était sur avec eBay. Les douanes et tout. Ouais, c'est sur eBay. Mais la bonne nouvelle de tout ça, c'est que tu vas maintenant influencer le calcul. Exactement. Futur de Video Game j'ai fait monter tous les prix des Swordmaster. Je suis vraiment désolé. C'est mon erreur. Puis j'ai payé au total, c'est ça, là, avec les douanes et puis mon raisonnement de cul parce que j'ai pas eu le temps de penser. J'étais allé trop vite. J'ai T'étais payé sous? 100$ de trop, ce jeu. La douane n'est pas comptée dans price charting, fait que ça marche pas. Là. Hein? Le prix montre pas tant que ça, la douane n'est pas comptée. Non, dans c'est price ça, charting. Quand même. Mais ça vaut à peu près 230. Ouais, mais 250. C'est dur à dire aussi. Celui-là, il est rare. Pas mal. Il est dur. Honnêtement, il passe quasiment. C'est comme une étoile filante sur eBay. Puis s'il est dans le prix que ça vaut, là, habituellement, il reste là à peu près max une heure. C'est ça. Quand même. Fait que je l'ai payé trop cher, mais bon, c'était Il est beau? Il est beau? Il est très beau, mais regarde ici sur la tranche, on dirait qu'il y a une petite tache, un petit décoration. C'est fait fourriste. Je sais. C'est un vendeur de cartes de Magic qui vendait ça en plus. Fait que mes aventures, man. Mais je me réconforte, comme je disais, ce jeu-là va valoir 100$, ce 100$-là. Oh, anyway, ouais. Si un an et demi. Moins que ça. Ouais, t'es pas prêt de vendre ta collection. Non, je veux pas la vendre. C'est juste qu'on essaye toujours de faire un bon deal. Oh, ouais. Hein. Puis là, c'est crissement pas un bon deal. Mais c'est correct. Bon. Fait que c'était ça pour l'or gris. Yes, pour cette semaine. Pour cette semaine. Parce que là, dans deux semaines, moi, je tiens à dire que Post-Canada puis Pâques, ça m'a vraiment tué mon infographie de la semaine, mais je te le dis, épisode 104, ça va faire mal. Ben, je n'ai pas eu un beau hier, là. Ah ouais, ben ouais. Moi, j'en ai pas mal trois en route, là. Trois en route, moi, avec, en fait. Mais, j'en prendrai deux plus gros, moi. OK? Les tiens vont être plus gros, je suis sûr. Peut-être, peut-être. À suivre le téléroman de la cassette. Ah, venez dans le parking, cette affaire-là. On sent déjà la marde monter. Au rack à Bessic. Mon avoir deux. Mon avoir quatre. Ouais, ça fait un combat à l'Urban Champion dehors. Là. Ben oui, exact. Tomber dans les égouts. Là. Avez-vous, est-ce que vous avez un titre commun ou pas qui reste? Ils en restent un en commun. Un seul en commun. Ça va être le meilleur match. Là, genre, dimanche soir à 11h30, il y a eu une petite panique Facebook. Hey, c'est toi qui a une idée? C'est toi qui a gagné? J'étais comme, ah non, j'ai pas pensé, excuse-moi, mais on devrait se syncher pour celui-là. Là. Fait que, bref, si quelqu'un a un pro sport hockey. Ah ouais, ok. Puis vous aimez vraiment ça, voir de la bataille, ça vaut la peine de nous l'offrir. Wow. Ouais. Ah, c'est ça que t'as pogné, là. C'est une position indécente. Ah, je parle pas, je l'ai acheté hier. Ouais. Mais pas celui-là. Ah non? Un autre. Le CIB? Non. Mais on regarde ça pour la semaine prochaine. Okay, c'est mais le seul jeu qu'on avait commun, je l'ai acheté. Je pense qu'on est correct. Je vais être moins stressé. Voilà. Aïe. Je vais t'en perdre un autre. Mais... plein de manigances. OK, ouais. Fait que pour continuer là-dessus... Rapidement, là, quand même. Oui, rapidement quand même, évidemment, mais on voulait mentionner, il y a eu un Nintendo Direct qui était quand même... moi, je l'ai trouvé intéressant, je l'ai trouvé... c'était comme écouter un Nintendo Direct mixé avec Wario, là, parce que ça allait tellement vite. Ça allait vraiment vite. Il y avait du stock en tabarnouche à annoncer, là, puis moi, je pensais que la 3DS était morte et enterrée. Non. Puis finalement, vraiment pas. Non. Il y a du stock en tabarnouche qui va sortir. Moi, il y a un jeu qui m'intrigue tout le temps, c'est Ever Oasis, je pense. Ouais. Qui est un nouveau RPG. J'ai pas eu le temps du tout. T'as pas écouté, toi? Non. Toi, t'es vraiment parti à go. Je suis en train de pacter, man. Je m'arrache les cheveux. Je sais pas comment je vais faire pour finir mes boîtes avant le déménagement. Je suis un peu déconnecté, là. Bonne chance. Ouais, merci. Mais c'était bon, Nicolas. Ouais, man. C'était un bon Nintendo Direct. Puis c'est le fun aussi parce qu'il y a comme le nouveau dude de Nintendo, celui qui faisait des tours de magie pendant la présentation de la Switch. Ouais. Mais c'est rendu, lui, vraiment le visage des Directs. Tout ça. Puis c'est vraiment le fun. Il fait bien ça. Mais sympathique. Puis, tu sais, ils ont commencé ça avec des... Ils appelaient ça les headlines. Puis t'avais comme une série de titres d'annonces, là. Puis ça faisait juste popper sans arrêt. Moi, une des affaires qui m'a le plus impressionné durant ces annonces-là, c'était PD 2. Ouais, PD 2 sur Switch. Moi aussi, j'étais comme... Hey. J'étais comme, wow, OK. C'est quand même, tu sais, ça a comme passé sous silence partout, ces réseaux sociaux. Je comprenais pas. Je me disais, crème... Pourquoi personne en parle? C'est quand même c'est quelque chose de gros. Là. C'est un jeu. Ben, c'est un jeu. C'est un jeu next-gen. Non, c'est un jeu next-gen, mais c'est surtout un jeu extrêmement violent puis pas politically correct, pas en tout. Non. Ça n'a pas rapport sur une console de Nintendo quand tu y penses. Puis pourtant, c'est un jeu co-op. Ouais, tu sais. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un. Quand tu cherches ensuite, c'est un jeu co-op qui fait du sens sur la Switch parce que c'est fait pour jouer coopérativement puis t'as besoin de l'autre personne pour réussir le tableau. Fait que non, c'est vraiment le fun. Puis une grosse communauté de PD, c'est un jeu qui pogne quand même pas mal présentement ces consoles. Fait que moi, j'étais bien content de voir ça. Cinemora va arriver sur la Switch aussi. Ça, j'étais bien content de le voir arriver. Mais sinon, il n'y a pas eu de giga surprise qui ont fait comme « Aïe, aïe! » C'était toutes des annonces qui étaient quand même « Ah, cool! » tu sais. Ouais, beaucoup de mais, Kirby aussi. Oui, beaucoup de Kirby. Ah, c'est le 25e anniversaire de Kirby. Tout fait sur là, 3DS, je pense qu'il y avait comme 3 jeux, 4 jeux. Ouais. Il y avait trois annonces de Kirby, pareil. Oui, sauf que, par contre, faut pas se leurrer, il y a deux de ces jeux-là, que c'est des mini-jeux qu'il y avait dans Planet Robobot, qui ont comme fait un full-fledged game. Ouais, mais je pense qu'il est gratuit, je pense. Avec la 3DS, j'imagine qu'il est gratuit, c'est ça, j'ai pas vu pour un le pricing. Un peu comme Captain Toad, là, dans le fond. Là. Exact. Ouais. Fait que, mais c'est quand même intéressant, puis moi, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que tu vois que là, tu sais, il y a un... Le flow est continu pour les jeux, tu sais, puis il y a tout le temps du stock à jouer sur Switch, puis moi, ça me parle en tabarnouche parce que pour la Wii U, c'était vraiment pas ça. Il fallait vraiment que tu les attendes, les sorties. Puis là, il y a tout le temps du stock à jouer. Puis quand tu regardes même sur le store de la Switch, tu regardes ce qu'il y a, puis il y a tout le temps de quoi à jouer. Si tu trouves pas de quoi à jouer là-dessus, t'es vraiment mal pris parce qu'il y a du stock. C'est pas les gros AAA la trempe de Zelda, c'est sûr. Mais quand même, il y a tout le temps quelque chose à faire en attendant. Puis la Switch est sortie là, vraiment pas longtemps. Ben, t'as Mario Kart 8 Deluxe là, qui, ouais, qui s'en vient à la fin du mois. Fait que, Ouais, mais il y a beaucoup de monde qui n'avait pas la Wii U. Le Revival, c'est ça. Je pense que le monde va pouvoir apprécier. C'est vraiment un bon jeu. Puis ça, c'est la version Deluxe pleine. Ouais. J'ai hâte de voir le Battle Mode. Là. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir le Battle Mode. C'est ça qui manquait dans l'autre. Puis j'avoue que ça va faire vendre. C'est un beau feature, ça. Ouais. Là, puis spécifiquement, quand tu peux péter à gueule à quelqu'un en local, c'est toujours magique. Imagine-toi un petit joueur contre un enfant de 8 ans qui va te battre. Exactement. Dans ta face! Moi, ma fille le sait pas, mais à 4 ans, on va clairement compétitionner. Puis on va avoir de la satisfaction. Elle sera pas capable encore, fait que tu vas tout le temps gagner. Puis, je suis pas comme ça. Il y avait... Il y a aussi... ce n'est pas vrai. Ils ont aussi parlé de Splatoon. Il va avoir un Horde Mode. Ouais, c'est qui est quand même intéressant parce que c'était pas, ça ne fit pas avec Splatoon comme tu peux penser, mais finalement, ben, oui, c'est vraiment cool. Hot. Nice. Fait que c'est cool, ils se mettent vraiment à niveau. Puis ils ont donné un petit teaser de la campagne, juste une image en attendant de donner d'autres contenus plus tard. Puis ils ont parlé de Arms aussi. Puis Arms est de plus en plus intéressant quand même. Là. Moi, ce que je me demande par contre, c'est ça va-tu être intéressant quand t'es tout seul? Tu sais, parce que moi, mon jeu de combat de Nintendo, ça reste Punch-Out. Ouais. Puis Punch-Out sur Wii était hallucinant. C'est vraiment un des meilleurs jeux. Bon. Puis là, je me dis, Arms, ça a tout ce qu'il faut, en fait, pour devenir comme un successeur à Punch-Out, si on peut comprendre. Puis bref, j'ai bien hâte de voir s'il va y avoir un single player intéressant. Puis en plus de ça, de toute façon, ils ont dit on a juste gratté la pointe de l'iceberg. Là, on vous a vraiment pas présenté grand chose encore. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont étirer la sauce avec Arms jusqu'au E3 parce que Arms sort dans les dates du E3. Fait que je pense qu'ils vont continuer à nous présenter du stock. Mais en tout cas, c'était bien intéressant pour un Nintendo Direct comme ça qui sort. Qui était supposé nous parler juste de Arms puis de Splatoon quand même. On a eu bien des belles sorties. Ouais, en plus de ça, je voulais dire merci rapidement à Jean-François Gariépi qui est venu me porter des jeux de Game Boy et de GBA. Puis même, il m'a même donné un Nintendo Power puis un guide Final Fantasy VII pour GF. que je vais t'amener, ouais. Caroline, avec un petit gros guide, vraiment cool. Fait que merci beaucoup, Jean-François. Ouais, merci. Jean-François nous écoute depuis peu en plus. Il nous a découvert récemment. Oh, nice. T'as bien des archives à rattraper. Ouais, bon. Exact. T'as bien du stock c'est pas le à écouter. Manqué. Coupe d'oreilles de char. Ouais, mais hein. C'est ça, d'ailleurs, on en parlait au début, mais c'est vrai, c'est intemporel, rétro nouveau. T'sais, on parle de jeux vidéo, rétro, puis next-gen. Puis des fois, t'as perdu des jeux. Que t'as pas vu, t'as pas joué. T'as tout le ça, Burger on en Time parle. World Tour. Exact. Elevator Action Deluxe. Exact. Dans le début, yeah, man. Juste du bon. Ouais. Fait que c'est ça. Puis sinon, on a fait un sondage rétro nouveau sur notre page. On avait fait un sondage seulement pour tenter le pouls, voir si les gens, les choses qu'ils aimaient moins, s'il y avait des suggestions, tout ça. On se rend compte au final, heureusement, que on fait bien ça. Finalement, on a fait un sondage des pauvres où est-ce qu'on paye pas SurveyMonkey. Fait qu'on avait droit à 100 réponses et puis il y a au minimalement 100 personnes qui ont répondu. Ouais, fait que c'est vraiment. Oui. Déjà, ça, on était vraiment contents. Oh, c'est un bel échantillon. Exact. Et puis au final, ce qu'on fait présentement semble être bon. Oui. On changera pas vraiment tout. Les gens aiment beaucoup la discussion, tu sais, quand on se laisse aller puis qu'on parle, pis tout exact. Ça c'est apprécié. Critiques, le monde veulent entre 5 et 10. Ouais, comme ça, c'était partagé. C'était comme 50% veulent du 5 minutes, 50% veulent du 10 minutes. Fait que c'est pas pire. On est pas mal dedans. Fait qu'on fait 7 minutes. C'est ça. Mais les shows de 2h, 1h30, 2h. Fait que c'est pas mal ce qu'on fait aussi. C'est ça, c'était pas mal tout dans le target. C'est pas dans le. Fait que on est bien content. Il y a les Let's Play qui vont changer de nom. On va s'appeler maintenant les Playtests parce que c'est vraiment plus que je fais qu'un Let's Play. En fait, là, le monde trouvait que je punchais peut-être pas assez comparé à d'autres Let's Players, mais c'est pas le but non plus. Mon but, c'est de parler avec le monde puis de leur montrer un jeu. Comme on a ça un code, vous jouez 2 heures, posez-moi des questions, regardez ce qu'on fait. Puis c'est... Le but, c'est pas de monter ça puis d'être le gars qui gueule dans son bureau non plus. Exact. Fait que c'est en plus des tests de jeu que je fais en ligne, ben donc, oui. Que du let's play. Donc ouais. Je change le terme juste pour clarifier le monde. Là. Ouais. Tu fais bien, man. Les gens voulaient plus de drame artificiel stagé. Puis là, peut-être là, que genre, je lance mes écouteurs puis je me maquille. Puis je... Non, ce n'est pas moi. Ouais, plus de propos scandaleux. Peut-être, je sais pas. C'est dur à faire, à répondre aux questions puis être punché en même temps. Là, c'est ouais. Fait que j'aime mieux répondre au monde qui vient voir le live que de puncher pour rien. Là. Puis juste un point pour Facebook Live. Oui. Si les gens nous écoutent en direct, Facebook Live, c'est parfait. C'est en HD. On est là pour les commentaires. Si vous écoutez en vidéo, en différé, on vous conseille d'aller plus sur YouTube, par exemple, parce que Facebook fait pas une bonne job de compression, je trouve. Des fois, la version HD n'est même pas disponible par après. Là, fait que dans le pause de l'épisode, il y a tout le temps la version HD, le lien vers YouTube. Fait qu'allez là si vous écoutez ça en différé, en fait. C'est vrai. Excellent. Pour avoir la meilleure qualité possible. Oui. Yes. Voilà. C'est important. Ben oui, on travaille fort pour ça. Là. Crème, oui. On se met propre. Ouais, fait que là, allons-y en critique. Ouais, on part. Ouais. Juste avant tout. Vas-y. Super rapidement. T'sais, j'ai écouté le dernier épisode quand j'étais absent. Tout ce que je voudrais dire, c'est je porte Swiss Army aujourd'hui. Dom, que... Si tu veux me sentir dans le coup à la pause. Ouais, j'aimerais ça. Cool. C'est le premier parfum que je me suis acheté à la vie. J'en ai plusieurs, puis j'en ai encore du Swiss Army. Ah, man. Mais j'ai pas mis de petits polos Lacoste pour toi. Ouais, non, c'est ça. T'es propre quand même. Même quand t'essayes d'être pas propre, t'es tristement propre. On réglera ça tout à l'heure. Ben, j'essaie de te matcher, là. Déjà, je me suis rasé. Puis tout ça. J'essaie de m'acheter du linge. All right, let's go. Tu peux y aller. Oh boy. Premier jeu. OK, ben, premier jeu, première critique. Je vais faire la critique de Mario Sports Superstar, est un jeu sur 3DS seulement, développé par Nintendo Camelot Software Planning et publié par Nintendo. C'est un jeu pour tous, évidemment. Et puis... les jeux de sport de Mario, il y en a eu en masse. Il y en a eu vraiment beaucoup. Puis, des dernières années, on se rend compte que les jeux de sport de Mario, ça s'en vient de plus en plus proche du sport et de moins en moins proche de Mario. Ce que je veux dire par là, c'est que le côté fantasy qu'il y avait dans les premiers tennis, sluggers, strikers, il est de moins en moins là. Puis c'est ça, dans Mario Sports Superstar, il y a 5 sports exactement. Il y a le soccer, le baseball, le tennis, le golf et la course à cheval pour la première fois. Ce qu'on appelle la série Mario Sports. Équitation. Ta fille, en fait, tu devrais le savoir. Eh oui. Tu l'as fait, ta fille. Course à cheval. Course à cheval. Ben, je sais pas si on appelle ça de l'équitation pour vrai. L'équitation, c'est-tu juste monter à cheval ou faire de la course à cheval? Ben, c'est ça, parce que là-dedans, c'est vraiment des courses de chevaux. Ouais. Mais je pense que ça inclut tout, je pense que t'as raison. Est-ce que tu cours le cheval ou tu mises sur les courses à chevaux? Non, t'es sur le cheval. T'es très tu cours sur le cheval. Bidé aussi. Fait que c'est ça. Roxinante en troisième. Je vais passer. Comme d'un pierre à feu. Je vais passer les sports rapidement. En fait. Dans tous ces jeux-là, c'est souvent une version simplifiée de ce qu'on connaît déjà. Donc, le soccer, c'est du soccer vraiment très simple, très typique. C'est vraiment pareil comme les jeux de soccer qu'on connaît, mais un petit peu plus arcade. C'est simplifié. Il y a un coup spécial. Quand le ballon il se met à briller, tu peux kicker dessus pour avoir un coup spécial pour frapper dans le net plus rapidement. Tous les personnages que tu vas prendre, quel que soit ton personnage, ça changera pas vraiment la façon qu'il va faire son but comme tel, où il va être plus fort, moins fort. Ça fonctionne pas mal tout le temps de la même façon. Évidemment, les personnages, ils ont toutes leurs... Il y en a qui sont plus rapides, moins rapides, des all-around, tout ça. Le baseball, c'est aussi une version simplifiée du baseball. Donc, on doit juste peser sur un bouton pour frapper, peser sur un bouton pour lancer. Ah ouais. On a comme une jauge qui nous permet de décider si on va envoyer une curve, si on va envoyer un autre type de balle. Avant d'aller plus loin, ce qu'on voit présentement, là, c'est les cartes Amiibo. Je vais en parler tout de suite, vu que ça passe à l'écran. Les cartes Amiibo, en fait, c'est une nouvelle affaire. En fait, tu as une carte qui te permet... quand tu la scannes sur ta 3DS, sur ta New 3DS en fait, sinon ça va être sur l'espèce de petit socle qui se vend pour scanner des Amiibo pour la 3DS, et bien ça en fait t'as un mini-jeu dans lequel tu bats des ennemis comme une espèce de corridor, puis si tu bats le boss, tu vas débarrer la version Superstar qui est dans le fond une version plus forte de ton personnage pour pouvoir utiliser dans le jeu. Tu vas pouvoir aussi débarrer des items à collectionner ou des trucs que tu peux utiliser comme, mettons, un bâton coloré d'une façon, des trucs comme ça. Sinon, pour continuer là-dedans, le tennis, c'est une version simplifiée du tennis qui était sorti précédemment sur la 3DS. Le golf également, c'est une version simplifiée du dernier golf sur 3DS. Donc, pas de grande surprise de ce côté-là, mais ça fonctionne, les contrôles sont super bons, c'est très simple, très facile d'approche. Les menus sont clairs, simples, précis. Il y a même un tutoriel dans toutes les sections. Il y a même des pro tips, donc tu peux approfondir ton jeu puis réussir à être de meilleur en meilleur. Donc c'est vraiment un jeu qui est bien fait de ce côté-là aussi. La grosse surprise de ce jeu-là, c'est l'équitation. Ah ouais? La course à cheval. C'est la seule affaire qui n'avait pas été parce faite que c'est, encore. C'est la nouvelle affaire. C'est comme juste du pré-marché. Ben, c'est... Tu sais, ces jeux de sport, c'est comme un, là, c'est comme Mario, un greatest hits, en fait, parce que jusqu'à date, les jeux de sport de Mario, tu sais, t'es à gauche et à droite, ouais. Mais un package de même, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu Mario Sports Mix sur la Wii, si je ne me trompe pas. Mais c'était pas autant. Ça, c'est vraiment... Tu as 4 licences de Mario Sport qui existent déjà là-dedans. Exact. Hein. Mais c'est pas... C'est pas aussi loin. C'est pas aussi loin, c'est ça, okay. Exactement. C'est vraiment assez simplifié quand même. Puis c'est ça, la course à cheval, en fait, tu fais des courses de chevaux, puis tu vas choisir ton cheval, dépendant du cheval que t'as, il va falloir que tu ramasses du stamina pour pouvoir durer plus longtemps, puis tout ça. Un peu le classique des courses de chevaux, tu vas avoir des dashs pour aller plus vite, tu vas avoir des boosts. Ça, c'est intéressant, mais c'est pas... si excitant non plus. Mes enfants ont vraiment adoré, par exemple. Puis une affaire que ma fille a capoté et n'est plus capable de lâcher, c'est ce mode-là. C'est qu'en fait, tu peux le aller... Nintendog inclus dans le jeu avec un cheval. Et vraiment. Voilà, Nintendog's version cheval, fait que Nintendo Horse. Nintendo cheval. Nintendo Horse. Nintendo cheval. Ça a l'air allemand. Nintendo cheval. Nintendo cheval. Nintendo cheval. fait que tu t'occupes de ton cheval, tu le promènes dans le ranch, puis en fait, c'est toi qui promènes le cheval en first person, puis tu peux ramasser des affaires au sol pour débarrer des éléments dans le ça jeu. Me parle, ça. Fait que ça... Écoute, quand t'as besoin de relaxer... Écoute, si tu veux compléter, là, puis t'es dans une section du ranch, puis là, à un moment donné, les portes s'ouvrent, puis là, tu t'en vas plus loin dans le ranch. Puis c'est très, très, très smooth. C'est zen, c'est zen. Ouais. C'est très zen. Puis moi, je pense, sans vouloir m'attirer des injures de personne, que c'est un jeu qui est vraiment pour les enfants. Là. Le target est assez précis. Là. Hey! Ouais, je le sais. Tu me rediras jamais ça. Ah non, c'est Animal Crossing, never forget. Puis c'est ça, finalement, finalement quand même, en tout et partout, ce jeu-là, il impressionne pas nulle part, mais il est tight partout. T'sais, les contrôles sont super simples, c'est facile d'approche. J'ai trouvé que si tu veux approfondir ton jeu pour être meilleur, il y a tous les outils pour le faire. Tu peux décider d'avoir une expérience très arcade, puis tu peux essayer d'avoir une expérience un petit peu plus simulation, dépendant de comment tu y joues. Puis c'est ça, moi, ce que je déplore de tous les nouveaux Mario Sports, c'est qu'il n'y a plus le côté magique de Mario. C'est toutes les affaires d'avoir Bowser qui fait une espèce de move incroyable qui est propre à lui. Ouais. Ça, il l'a pu. Puis tu sais, je trouve ça poche quand même. Puis tu sais, Mario Tennis, tu pouvais jouer, puis il y avait des plaques en dessous qui bougeaient, puis il y avait des anneaux, des trucs. Là, ils ont comme tout réduit ça, tout enlevé ça. Mm-hmm. Fait qu'il n'y a plus de super quelque chose, tu sais. Ouais. Est-ce que ça serait. Est-ce qu'ils sont plus proches de là que les Olympiques, la série des Olympiques? Oh, oui, totalement. OK, fait qu'ils sont encore plus. Là, c'est encore plus. Ouais, Jeff, je ferme ça. mais on s'approche vraiment là, du sport traditionnel. Okay, on s'approche en fait de. Tu sais, si je veux un FIFA pour enfants. Okay, je vais jouer à ça. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais ça marche. Ça marche super bien. Puis moi, tu sais, si c'était sur la Switch, je pense qu'il serait encore plus facile à vendre au monde pour le côté coop. Puis jouer en gang à 4, ouais. Ça serait un excellent jeu. Il est sur la 3DS. Ça se joue très bien en multi. J'ai pas eu de problème là. En ligne, j'ai eu un petit peu de problème à trouver des gens pour jouer avec moi. Mais quand j'en ai trouvé, ça jouait super bien. Donc, c'est ça. Bref, pour toutes ces raisons, je lui donne un 7 sur 10. Good. Bon achat. Si vous avez des enfants, sérieux, c'est un excellent achat. C'est quand même un bon package. C'est 5 jeux. C'est pas cher pour 5 jeux. Je vais continuer. Oui. Avec des jeux thématiques enfants. Il s'agit d'un grand classique à moi au Super Nintendo, de Magical Quest, ouais. Starring Mickey Mouse. Un autre grand jeu de Capcom, de Disney, dans le fond. Je trouve que Capcom, côté jeu de Disney, t'sais, t'as une bonne moyenne. Là. Ouais. Donc, Nintendo, Super Nintendo, 80% des jeux, là, c'est des très bons jeux. Oui, Super Nintendo, en plus, c'était vraiment solide. Il y avait, je pense, juste la bombe. Ouais. Ah ouais, absolument. Ben, il y a un Mickey qui a été développé par un dude européen qui a beaucoup de talent. Capcom, ouais. Qui l'a rendu comme moins friendly parce que c'était plus compliqué. En tout cas, fuck. Mickey Mania, il est pas super. Mais c'est pas Capcom. Troop, mais c'est pas Capcom, Mickey Mania. Mickey Mania, c'est Sony, je pense. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Ouais, c'est ça. Raison. Lion King, c'était Capcom. Capcom, pas mal tout bon. Lion King, c'était Virgin. C'était Virgin. Ouais. Tu vois, on est en train de s'éloigner. Là. Mais Goof Troop, c'en est un autre excellent exemple. Jeu. C'est vraiment bon. Fait que c'est ça, donc, dans The Magical Quest. C'est un platformer assez simple, assez court. Où est-ce que Mickey, ton chien plutôt, se fait kidnapper par le gros méchant. Et puis, t'as plusieurs mondes, donc dans la forêt. Et puis après ça, dans un genre de souterrain de volcan, dans la glace. Et puis, chaque niveau, dans le fond, est séparé en trois sous-niveaux à peu près. Et puis, ce qu'il y a de le fun dans ce jeu-là, on le voit présentement à l'écran. Tu mets tout nu. T'as un choix de quatre sautes. T'es pas les quatre en partant. À mesure que t'avances dans le jeu, il te donne un saut là, qui correspond à ton niveau. Comme quand t'arrives dans un niveau de feu, par exemple, et puis de lave, ben là, on t'octroie un saut de pompier. Et puis, il y a aussi un saut de magicien. Arturo Brachetti. Exact, c'est vraiment ça. T'as un saut de magicien, puis t'as un genre de saut de Robin des Bois. Donc, le saut de pompier, comme on peut voir à l'écran, il peut servir à geler des... quand on va le voir, là, il va geler cette affaire-là. Ah non, il l'a même pas fait. Tu gèles des petits cubes pour faire des plateformes, et puis tu éteins des ennemis qui sont en feu, puis toutes sortes d'affaires de même. Le saut de magicien, tu pitches de la magie. Il te permet aussi d'aller en dessous de l'eau parce que tu te fais une genre de bulle autour de la tête. Okay. Tu peux explorer en dessous de l'eau. Le saut de Robin des Bois, il y a un petit grappin qui te permet d'aller en hauteur, puis de te balancer, puis d'explorer. Fait que quand t'es rendu loin, ça varie le gameplay en crime, là, ça. Oui, à la fin, c'est ça. Ils te font utiliser toutes tes sautes, là, okay. À bon escient, là, à travers les niveaux. T'es genre, OK, je vais me changer ici. Ah, là, je vais prendre ce saut-là. Donc, c'est ça, c'est une belle courbe, là. Quand même. Le jeu, il devient de plus en plus stimulant, plus que t'avances. Tu peux aussi être en Mickey normal, qui fait juste comme sauter sur la tête des ennemis. Là, ils quasiment sont... un côté Megaman à ça, finalement. Ben, un peu, tu sais, c'est Capcom. Ouais. Et puis, quand les ennemis sont stun, t'es prends, puis tu les tires sur les autres. Ça, ça ressemble à Aladdin. Ouais, c'est vrai. Beaucoup. Donc là, on va voir ici un ennemi à l'écran, un boss. Les boss sont très gros, très beaux. Le graphisme est magnifique aussi. Et puis, la musique, c'est de la belle petite musique de Mickey, comme on aime, là, tu sais, très appréciable. Donc, les niveaux, le platforming est bon. Tu sais, les contrôles sont parfaits. Tu meurs pas pour rien. Ouais, c'est de ta faute si tu meurs. Exact, c'est vraiment de ta faute. Et puis, t'as des shops aussi, tu ramasses de l'argent. Et puis, t'as des shops cachés. Quelque part dans le niveau, des fois, faut juste que tu te jettes dans un trou qui est louche, tu sais. Puis, y a une porte en bas du trou. Puis là, t'as un gars qui te vend des cœurs, tu sais, pour avoir plus de life. Et puis, des affaires comme ça. Des power-up. Donc, c'est un beau petit plus value, ça, au jeu, là, je te dirais. Tu sais, c'est un jeu que tu finis à normal très facilement, on s'entend. Puis, c'est pas bien long. Il y a des continues. T'as des continues tout le temps. Ah, et puis, mais quand tu joues à hard, chose que j'ai essayé par après, c'est vraiment plus difficile. Là. Okay. T'as moins de life et puis il te donne moins tout cuit dans le bec, mais tu peux le grinder un peu là, puis le rendre quand même faisable. Là. Et puis, comme tu disais, il y a tout le temps des continues. Ouais. Donc, chaque niveau est séparé en... Chaque monde est séparé en trois niveaux. À chaque fois que tu passes une porte, si tu meurs, tu recommences à cette porte-là. Et ça équivaut aussi pour les continues. Okay. Donc, quand tu prends un continue, tu recommences pas au début de tout le monde de la glace. Ah. Tu commences au troisième si t'es rendu au troisième. Donc, c'est pour ça que c'est facile aussi. Avant longtemps, tu comprends bien ce qu'il faut que tu fasses. Ouais. Et puis, le dernier niveau est un peu un labyrinthe, mais très faisable aussi, qu'il faut que tu utilises toutes tes... tes déguisements comme il faut. Mais je vois que justement, le magicien, ça semble vraiment être l'outil de prédilection. Là. C'est vraiment ton icône qui est là au centre de l'écran. Non, c'est que celui que tu choisis, il va se mettre au centre de l'écran. OK, OK. Fait que, tu peux... Je me demandais, je comprenais pas. T'as pas tout le temps. D'ailleurs, chacun de ces sautes-là a un pouvoir spécial. Là. Lancer de l'eau, lancer de la magie, faire un grappin, tout ça. Mais t'en as pas à l'infini. T'sais. OK. Faut que tu recharges ça. Ouais, c'est donc, vraiment comme Megaman. C'est faut que tu fasses un peu attention. Ouais, c'est comme Megaman. C'est quand même comme Megaman. L'action est quand même pas mal plus lente. Mais c'est ça, dans le fond, Fred, c'est un jeu que tu voulais faire, ça. Mais ben oui, je l'avais mis dans ma liste. Mes enfants m'ont bloqué dessus la semaine passée. J'ai dit, bon, écoute, on va le faire. Non, non, mais t'as bien fait parce que c'est un. Justement, je le mets dans ma liste des jeux qui coûtent pas trop cher, qui sont abordables et qui sont vraiment bons. Ouais. Puis ça, c'en est un, justement. C'est un jeu d'une quinzaine de piastres, là, complet, une quarantaine peut-être. Oh, je m'attendais à ce qu'il soit rendu plus autour de 25. Peut-être. On a ça depuis longtemps, nous. Ouais, on est des vieux routiers. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Adventure Island aussi. Ah ben ça a un petit look là, tu sais. Mais tu sais les jeux, c'est ça, il y a comme une série de jeux Super NES qui ont tout un peu cette esthétique là. Mac and Joe. Tellement c'est beau. Ouais, Mac and Joe. Je sais pas. Je vais juste plugger Mac and Joe. C'est Joe et Joe et Mac. Joe Mac, excusez-moi. Mac and Joe. Excusez-moi. Ça c'est la version cheap. C'est ça, c'est le bootleg. Go-Bot. Fait que c'est ça, ça fait pas mal le tour en ce qui me concerne. Je voulais faire ça quick. J'aurais aimé ça reprendre le temps de le finir à hard. Mais j'ai pas eu le temps, je suis parti pour Pâques et tout ça. Mais ça sera un de mes défis. C'est un bon tout. C'est un bon go-to platformer quand tu veux relaxer au Super Nintendo. Puis vraiment pour le prix, là, c'est très très très bon. Là. Ça vaut la... C'est ça, Fred disait 15$ tantôt. Près, ouais, mais plus 20, là, disons. 20 la moyenne. Le bon monde te vend ça 15$. 20, tu dis la 15$. Les bons jeux de Super Nintendo à 15$ de nos jours. C'est encore drôle, c'est encore drôle. Tu nous en parles. Genre, ça va vraiment bien, ça. Fait que je vais donner un beau 8.5 à ce très bon jeu-là. Bon. J'aurais donné plus s'il avait été un petit peu plus long. Ouais. Et parce qu'il y avait encore, me semble, bien de la place à la cassette encore pour rajouter peut-être deux mondes là encore. Là, fait que ça prend genre une demi-heure finir ça. Ben ouais, quand tu le connais, là, tu peux faire ça très rapidement. Là. Okay. Mais ça peut être beaucoup plus long si tu essayes vraiment de faire tous les niveaux comme il faut. Parce qu'il y a plein de petits raccoins que tu peux explorer aussi. C'est ça qui est le fun. Ouais. Ça rajoute du gameplay value, du replay value. Nice. Donc, tu peux l'explorer, le jeu. Tu n'es pas obligé de le speedrunner non plus. Alors, ça vaut la peine. Yes. Excellent. Nick. Yep. Moi, je vais vous parler, en fait, de Rain World. C'est un jeu développé par Videocult. Videocult, c'est comme genre un ou deux gars, là, en fait. C'est vraiment miniature, là. Puis publié par Adult Swim. Encore eux autres. Ouais, Adult Swim sont reconnus en... C'est des bons repêcheurs. C'est toujours une expérience particulière. T'sais, ils font pas. C'est pas du cookie cutter. Là. C'est des jeux très, très artsy, vraiment edgy. Donc ils essayent des affaires, ils prennent beaucoup de risques. Donc ce jeu-là il a été développé, comme je dis, c'est une toute petite équipe Videocult. Je pense qu'il a été 4 ans en développement, 4 ou 5 ans. C'est disponible PS4, PC. Moi j'ai testé sur PS4. Et donc c'est ça. C'est quoi Rain World en fait? C'est. Vous êtes un hybride entre un chat et une limace, en fait. Donc, t'es comme une créature... ouais, c'est cute, tu sais. T'es blanc, tu sais. Là, au début... Ça sonne pas cute. Ouais, mais c'est parce que c'est la façon dont ton corps bouge. T'es comme mollasson, tu sais. Tu bouges, mais c'est vraiment cute. Au début de ce jeu-là, dans le fond, là, c'est une prémisse de base, tu sais. Tu arrives dans cet environnement-là qui est hostile, tu sais. C'est vraiment beau. Ton ennemi... Ouais. C'est comme Axiom Verge. Tout à fait. Ben, ton ennemi, c'est la pluie, tu sais. Puis là, bon, la prémisse au début, c'est que toi, t'es séparé de ta famille à cause de la pluie, tu sais. Puis là, tu dois aller les retrouver. La première chose qui nous saute aux yeux, c'est exactement ce que Dom a dit, là. C'est magnifique, ce jeu-là. C'est tellement beau. C'est du pixel art, mais c'est genre de luxe, là. T'sais, on regarde ça, ouais, là, c'est vraiment, vraiment beau. Les animations aussi là, sont incroyables. T'sais, ça a l'air fluide. Comme je vous disais, là, vous voyez un peu, c'est comme une espèce d'hybride de chat, slug. T'as tout le temps un peu une espèce de queue de limace qui pend. Là, ton corps est vraiment mou. T'sais. Fait que c'est vraiment joli à regarder. T'sais. L'ambiance est incroyable. C'est vraiment beau. Y a-tu de la musique ou c'est tout le temps comme un petit son lugubre? C'est du petit son lugubre en fait. Ouais. C'est pas vraiment. C'est plus de l'ambiance. Là. Hmm. Donc. C'est quasiment une vibe d'horreur, ça. Ou... C'est un survival horror platform. T'sais, c'est un hybride de toutes sortes d'affaires. T'sais. C'est un mishmash. Comme on voit la créature se nourrir. En fait, c'est le but. Elle mange des babites, là. Ouais, tu dois manger des chauves-souris et des fruits. T'sais. Le but, c'est comme dans la vraie vie. Ouais. Ouais, dans la vraie vie. C'est un peu comme on fait nous après quand chaque show. Exactement. Faire un Aussie, finalement. Ouais, exact, c'est ça. Fait que tu sais, dans le fond, tu peux ramasser des roches puis des lances puis lancer ça à des ennemis, tu sais. Mais grosso modo, les contrôles sont corrects. C'est pas super tight, c'est pas incroyable. Mais puis le but, c'est comme j'ai dit, Rain World, l'ennemi total, c'est la pluie. Donc, ce qu'on doit faire, c'est manger assez pour avoir assez de points pour être capable d'aller à un des points d'hibernation puis hiberner pendant que la pluie tombe. Là, t'es comme c'est comme des shelters, dans le fond. Là. Donc, tu dois progresser d'écran en écran puis trouver ça. T'sais, dans le fond, ça, c'est un peu... Il y a un petit twist Metroidvania dans un sens, là. Les environnements sont pas générés de façon procédurale. Je pense qu'ils ont designé 1600 tableaux. C'est énorme. Par contre, les ennemis sont générés de façon procédurale, donc tu sais jamais ce que tu vas avoir. Puis la même chose des fois pour les petites créatures comme les chauves-souris, là, tu vas en avoir, ils sont pas là. Faut que tu les manges, mais les ennemis, ils apparaissent un peu random dans le fond. Tu peux pas juste apprendre le pattern, tu sais. Faut que tu apprennes les tableaux, mais aussi que tu saches comment réagir avec ces créatures-là. Les créatures sont un peu cheap, en fait. Ils t'attaquent, puis tu sais, c'est dur. Là. Quand t'en as, t'es quasiment mieux de te sauver. Là, comme on voit présentement. T'aurais pu lancer la lance ou des roches. Ben, il a essayé, mais il l'a raté. Là. Exact, c'est ça. Fait que, comme je disais, les contrôles sont pas... C'est un petit masse mou. Ouais, c'est ça. il est trop mou. Mais c'est dur, vraiment, là, contre-attaquer ces créatures-là. Là. T'es obligé de développer plus des mécaniques de fuite. Là. En gros, tu sais, c'est un jeu qui est superbe, mais il y a quelque chose qui manquait, je trouvais, pour mon goût à moi, là, au niveau de l'expérience. C'est pas un jeu que j'avais le goût de rejouer, tu sais. J'ai trouvé que mes sessions étaient assez pénibles, en fait. Parce que, tu sais, la mort est punitive. Là, tu vas retrouver dans ton shelter. T'sais, là, c'est la carte, c'est vraiment très beau, là, tu sais, comment tu vois ça. Puis, tu sais, tu dois aller au shelter, mais il va t'arriver plein d'affaires où, justement, les ennemis vont être là, où faut que tu manges assez, faut que tu trouves la nourriture, tu te promènes. Mais grosso modo, j'avais vraiment pas super envie de progresser, tu sais. J'étais comme, je jouais à ça, mais tu sais, il y a énormément de platformers indie, tu sais, qui disent « Ah, moi, je vais aller plus loin », mais tu sais, ça, c'est pas vraiment tes skills tant que ça qui sont testés, tu sais, c'est dur à dire. Visuellement, il y avait pas de quoi de nouveau. Ben, pas tant que ça, parce que tu sais, à moins d'arriver au bout de cet environnement-là, ça va tout ressembler à ça, tu sais. Okay. Puis là, quand t'arrives à l'autre environnement pour faire le passage, ben là, il y a un genre de calcul obscur qui se fait entre tes points de karma, dans le fond, le nombre de fois que t'es mort, puis le nombre de fois que t'as hiberné, tu sais. C'est un peu étrange comme calcul, tu sais. Fait que si ça marche pas, faut que tu recommences, tu sais. Okay. Puis t'as ramassé plus de points de karma en hibernant en plus, tu sais. Mais si je comprends bien, c'est parce que là, tu dis c'est un survival, mais en même temps, ça ressemble un peu à un Metroidvania, mais c'est comme c'est deux objectifs différents. Tout à fait. C'est ça que ça fait. Ultimement, le produit pour moi, tu sais, il est pas venu me chercher. J'étais un peu confus de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire. C'est quoi mon but ultime? Oui, c'est retrouver ma famille, mais tu sais, les environnements, je me promenais là-dedans. C'est pas si le fun que ça. C'est pas des défis de platforming incroyables. Ouais, c'est comme ça, hein? T'avances, puis tu dois juste ramasser des affaires pour manger, puis trouver le prochain shelter. Il y a des petits trucs, là, le fun, comme quand on se déplace comme ça, mais tu sais, vraisemblablement, j'ai pas senti de drive de dire je veux continuer de jouer, je veux rejouer, tu sais. Bien que j'ai été impressionné visuellement pas mal tout le long dans mon expérience, j'avais pas vraiment envie de rejouer. C'est ça qui est dommage parce que c'est un beau produit. Je me dis, crime, ils ont essayé quelque chose de différent. La mécanique d'hibernation, j'avais jamais vu ça. Le threat, la menace de la pluie, qui quand ça tombe, c'est beau. Là. On a un pas d'écran, mais ça tombe, là, l'écran devient tout gris avec des espèces de petites lignes. C'est génial. Un exercice de style. C'est ça que j'ai eu l'impression. Ouais. C'est un de ces jeux, je pense, qui a mis le style, le look, la direction artistique avant le gameplay, le plaisir. C'est une pièce d'art. Ouais. Ce jeu-là. Ça a l'air de ça. Mais c'est pas vraiment. Étudiant en art au cégep. Je sais pas, mais tu sais, c'est très très artsy. Ouais. Puis j'ai pas trouvé qu'il y avait assez de satisfaction à jouer à ça. Comme je dis, j'ai joué. Parce qu'il fallait faire pour la critique. T'sais, j'avais pas de ça, c'est de dommage. Plaisir. Quand tu finis par dire ça, ça veut dire que t'aimais vraiment pas ça. C'est ça qui s'est passé. T'sais. Fait que t'sais, y a des beaux côtés. Je pense qu'il y a un public ultra niche pour ce jeu-là. Ouais. Y a du monde qui vont vraiment apprécier, mais c'est pas moi. Malheureusement, moi, j'ai pas trouvé mon expérience si intéressante que ça. Il y a des bons côtés, il y a des trucs intéressants, les animations, c'était plaisant à regarder. Je pense que j'aurais plus de plaisir à regarder quelqu'un jouer qu'à jouer. Ouais. Donc, tu sais, tout ça fait que, bon, Ça me fait un peu de la peine, mais tu sais, j'ai donné une note. Ben, 7. C'est ça ou tu m'as pas dit que t'avais ça? C'était pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, on va l'enlever. Non, il y a un petit... On s'est pas reparlé de c'est bon. C'est drôle parce que ta musique a fait... J'ai ajouté dans le doc, mais bon, il y a un problème de communication. Mais c'est pas grave, vous qui êtes en podcast, j'avais donné la note de 5. OK. Non, t'as donné 7. C'est pas un jeu que j'ai l'intention de reprendre, tu sais, de dire j'ai pas assez de temps. J'ai trouvé ça beau, c'est le fun à jouer, mais malheureusement, tu sais, ça c'est pas venu me chercher ce jeu-là. Donc, ça arrive. Ça peut pas tout être bon. Exact, mais bon. Je dirais, regardez peut-être des playthroughs en ligne, et si c'est votre genre de jeu, allez-y. Parce que, tu sais, comme je dis, il y a une niche, ça va plaire à certaines personnes. Mais ça, pour moi, ça a pas été un succès. Ben, écoute, bon. Moi j'aille ça le bœuf pour tout le monde. Il y a plein de monde qui aime ça. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Pogne d'aidant. Ah, c'est que j'aille ça. Désolé, GF, le trouble de communication, là, j'ai assumé que... Je ne regarde pas le document à chaque 10 secondes, faute. Malheureusement. Bon, Fred! Bon. Yes, c'est à mon tour d'y aller avec du bœuf bourguignon aussi. Oui. Donc, cette semaine, je vous parle de Jetsons Cogswell Caper. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, c'était le deuxième jeu que j'ai rayé de ma liste cette semaine. Pour le full set de NES. Grosse cassette. Yeah, une grosse cassette. Donc, un jeu développé par Natsume, il paraît. Et moi, je suis surpris de ça. Je trouve aucune information là-dessus nulle part. Puis dans le jeu, c'est pas mentionné. Exact. Puis moi, je l'ai joué pendant 5 minutes, là, parce qu'il fallait que je m'en aille. Tout, ça file un peu pareil. Pis, ouais, un peu. Mais c'était moins rapide ou frénétique que les autres jeux de Natsume. Non, c'est un peu spécial. Pis c'est publié par Taito. Donc, c'est un jeu qui est sorti pas mal sur le tard en 1992. Puis, j'expliquais tout à l'heure, cette semaine, j'ai un petit peu chiré. Tu sais, je me vantais de parler des jeux qui coûtaient pas cher. Puis là, cette semaine, j'en parle d'un qui coûte toute une beurrée. Donc, comme on disait en introduction, c'est un jeu d'à peu près 200-300$. Donc, il faut vraiment que tu aies une grosse passion pour les Jetsons pour décider d'aller t'acheter ça. Puis, fait à mentionner, bien important, il est pas sur la maudite cassette rouge, ce jeu-là. C'est vrai. Donc, si tu veux le jouer, ça te prend un Everdrive, un émulateur ou bien une NES Mini hackée. Et la version Game Boy, qui, je pense, est supérieure à ce jeu-là, n'est pas le même jeu du tout. Hein. Non, c'est ça. Et puis, c'est une dizaine de piastres. Fait que, tu sais, t'as vraiment pas le choix. Si tu veux le jouer, il faut que tu sortes les gros bidous. Donc, ça fait pas mal partie, je dirais, de la vague classique des side-scrollers de Taito à la fin du Nintendo. Donc, tous ceux-là qui valent cher. Exactement, tous ceux-là qui coûtent une beurrée. Soit, ça ressemble un peu dans le même vibe que les Flintstones. Évidemment, c'est Hanna-Barbera, fait que la pomme tombe jamais bien ben loin de l'arbre. Puis, je sais pas pour vous autres, là, mais avez-vous déjà écouté ça, vous autres, les Jetsons? Moi, oui, ils payaient avec des signatures. Je trouvais ça moyen. Moi, j'aimais bien ça. Moi, j'aimais ça. Puis, Pierre à feu, je sais pas. Ben, ça, moi, j'ai ça, tellement ça, écouté Pierre à feu dans ma vie. Mais les Pierre à feu, c'est fantastique. Moi, j'ai écouté les Simpsons, Futurama, j'ai jamais réussi à embarquer là-dedans. Ah ouais, moi, les Jetsons, pour moi, c'était comme les Pierre à feu dans le futur. Puis, c'était aussi. Ça faisait partie des comédies animées de prolétaires. Tu sais, c'était des gros jobbers qui y vont. Ah ouais, ils travaillent à la shop. Exactement, des travailleurs d'usine avec des problèmes de famille, là, de dépression. C'est vraiment ça. Qui est leur boss. Fait que, bref, pour un job, leur boss. Exactement. La femme est traitée comme vie aussi. La femme à maison qui fait trop de flow. Puis une famille qui pète donne la du cash à sa fille sans arrêt. Prends ma carte. Même dans le générique au début, elle prend sa carte de crédit. C'est ça. Puis elle s'en va magasiner. Le Space Age. Fait que bref, dans ce jeu-là, on joue justement le rôle du prolétaire du George Jetson. Qui en fait, l'histoire est assez étrange. Dans le fond, ton boss t'engage pour aller faire littéralement du sabotage industriel chez Cogswell, qui est le compétiteur qui a décidé d'ouvrir une mine. Qui dérange une population extraterrestre. Là. En gros, là, je sais pas si ça a rapport avec les Jetsons, là, tout ça, mais bon, tout moi, je trouvais ça bien spécial que le gars qui travaille à la shop, on l'envoie scraper la business du voisin. Je me suis dit, c'est pas légal tout ça, mais bon, tu poses pas de questions, t'embarques là-dedans, puis t'as à peu près 8 tableaux de plaisir. Donc là, quand on a commencé la vidéo, on a vu, il y a aussi des intermèdes. Il y a des moments dans le jeu où tu vas chercher des habiletés. Ouais. C'est la famille Jetson qui te les donne. Okay. Puis là, c'était le chien qui avait la télécommande. Donc, c'est comme des mini-niveaux, finalement, là, qui te rappellent que c'est les Jetsons et non pas un autre jeu complètement que tu joues. Ouais, c'est ça. En termes de gameplay, vous avez pas mal vu ça un peu rouler. Là, ça ressemble beaucoup à Chip 'n Dale. Donc, ouais, j'ai regardé les cages, tu ramasses des cubes puis tu lances c'est des cubes. C'est ça, tu swings des boîtes par en dessous. Fait que c'est assez similaire, sauf que là-dedans, tu peux aussi swinguer les bacaises par en haut. Fait que ça, c'est bien utile par moment de pouvoir tirer tes boîtes par en haut. J'ai vu aussi sinon, des trucs de gravité inversée. Exactement. Donc ça, c'est l'autre différence qu'il y a pas mal avec justement Chip 'n Dale, c'est qu'on a des habiletés spéciales. Donc on en a à peu près 5 ou 6, si je me souviens bien. Donc par exemple, tantôt je parlais de la petite télécommande. Dans le fond, ça t'amène un petit drone pour aller gosser le monde. Puis en tout cas, tu tues les ennemis d'un coup avec ça. T'as des bottes de gravité qui te permettent de coller au plafond. Puis si t'es pas bon, ça te permet de te tuer en passant dans le ciel finalement. Tu sais qu'il y a un Nintendo Gamepad en bas. Il y a le Switch aussi pour te montrer qu'est-ce que t'as. Puis c'est ça, dans le fond, ces items-là vont te coûter des pilules. Ça, je sais pas trop pourquoi. C'est un Name Jetson que tout le monde avait des pilules. Peut-être qu'il mangeait avec des pilules. Ouais, c'est ça qu'Eric Hébert dit dans le chat d'ailleurs. Il dit tu piques une pilule. Là, fait que, ben, c'est ça. Bref, moi, je pensais que c'était du LSD. Mais en tout cas, c'est correct. ça fait peut-être plus de sens de même. Mais tu sais, je me dis, le gars, il est déprimé. Il swing des boîtes à journée longue. Il prend des pilules pour passer le temps. C'est correct. Puis des Prozac, en fait. Des Prozac, exactement. Puis tu ramasses aussi des étoiles. Les étoiles, c'est un peu comme les scènes. Il y en a vraiment pas beaucoup. Puis ça t'en prend 10 pour avoir une vie. Plus, je te dis ça. Puis c'est vraiment une information qui est très importante. Parce que dans ce jeu-là, des vies, t'en perds pas mal. Là, on voit justement. Ah ouais, t'en perds pas mal. On voit justement un niveau assez standard là, dans les platformers. Où est-ce que t'as comme quelque chose qui te colle aux fesses. Puis dans ce segment-là en particulier, si tu fais une erreur, c'est sûr que tu meurs. Puis il faut que tu recommences à peu près 8 fois. Donc, c'est quand même assez varié en termes de platformer. Il y a beaucoup de mécaniques comme ça. Il y a des plateformes qui apparaissent, disparaissent. Toutes les classiques sont là. La grosse twist qu'il y avait à l'époque est intéressante. C'est que tu pouvais des fois inverser la gravité et faire des tout petits bouts de niveau la tête en bas. Puis, évidemment, éventuellement, tu débloquais les bots qui te permettaient de le faire. Donc, c'est visuellement, j'ai trouvé ça quand même, par contre, assez intéressant. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'amour qui a été mis là-dedans. Il y a beaucoup de variété en termes d'ennemis. Les animations sont le fun. C'est très cartoonish, là. Exactement. Les animations sont le fun. Quand George se penche, là, il y a comme les petites mains un peu retroussées. Moi, ça me fait bien rire. Puis, il y a vraiment... En fait, tous les niveaux ont des ennemis propres à eux. Fait que ça, il y a quand même beaucoup d'amour qui a été mis quand même là-dedans. Puis, au terme de... Tu sais, le son aussi, la musique, c'est de la musique de Taito. Ça passe bien et tout. Ouais. Une petite note vraiment qui m'a un peu surpris sur le coup, c'est il y a des tutoriels là-dedans. Donc, c'est rare des jeux de Nintendo où est-ce que, tu sais, t'as des personnages qui arrêtent le jeu puis disent « Hey, by the way, si tu veux faire ça, il faut que tu fasses ça de même. » Tu sais. C'est bien. C'est assez intéressant. Ben oui. Par contre, c'est loin d'être parfait. En termes de niveau, bon, tout le défilement des niveaux, là, ce qu'on appelle souvent le scrolling, tu peux pas reculer dans les niveaux. Fait que tu sais, des fois, tu manques un item, une patente, ben là, t'es fourré. C'est la même chose aussi quand tu montes en hauteur. Donc, des fois, il y a des moments où tu es capable de te peinturer dans un coin et tu es obligé de te tuer parce que finalement, le scrolling, il t'a rattrapé. Hey, shit. Aussi, bon, on l'a vu rapidement tantôt, des petites plateformes qui bougent. Des fois, c'est pas synchronisé. En fait, c'est synchronisé sur l'apparition des objets et non pas sur le niveau. Ce qui fait que quand t'as des plateformes qui balancent de gauche à droite, ben des fois, ça se peut que t'arrives là et qu'ils soient jamais synchronisés et que tu puisses faire ton jump parce qu'ils ont pas apparu en même temps. Donc, c'est pas super fort. Je comprends. Puis sinon, en termes aussi de contrôle, moi, j'ai eu un peu de difficulté. Tu sais, Chip 'n Dale, c'est un jeu qui est quand même assez très rapide. Ah ouais, ouais. Ça, le taux de rafraîchissement d'image dans le jeu est quand même assez lent. Il est trop slow. C'est très flottant. Mais c'est pas souvent slow les jeux d'Anna Barbara, justement. Ouais, ben parce que les Flintstones, j'avais eu le même problème. C'est ça, les sprites sont trop gros. Widget, c'est assez dégueulasse. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, je pense que les graphismes sont trop avancés pour ce que ça pouvait faire. Fait qu'on se ramasse que, tu sais, c'est un peu difficile, spécialement quand on arrive au deuxième niveau, il y a des trampolines à un moment donné. C'est vraiment difficile de pogner le bon timing pour être capable de passer par-dessus le trou. Fait que bref, pour en revenir, c'est un jeu que j'achève, là, je m'excuse. C'est un jeu qui dure à peu près, je dirais, 90 minutes quand tu sais ce que tu fais. quand tu connais ce que tu fais, ça dure à peu près 90 minutes, puis tu sais, 250$, même, ça veut dire... C'est ça. Fait que tu sais, je m'attendais à genre une demi-heure. Rien cher la minute, pareil, un peu. T'sais, fait que tu sais, c'est à peu près genre 9 heures de temps sur un Nintendo Power Line, à peu près 3 heures d'un très très bon massage chez une massothérapeute de qualité, ou peut-être, peut-être 15 minutes sur une ligne érotique un peu. Fait que bref, pour clore, ma critique sur des notes un peu plus, un peu plus clean, je dirais, c'est un jeu dans lequel finalement tu passes ton temps à soigner des boîtes, gober des pilules sans trop savoir pourquoi tu fais ça. Bref, un peu comme une job de prolétaire typique. Fait que ça colle bien au jeu et à la note que je lui donne, un gros 6 sur 10. Donc, c'est pas mauvais. C'est le fun à soir, on a des jeux moins moyens. Ouais. C'est ça. Des fois, c'est comme juste trop des bons jeux. J'ai l'impression que le monde doit trouver qu'on. Moi, je l'ai vraiment joué parce que tu sais, j'ai mis du cash à terre pour l'avoir. Payé avec ça aussi. Je le rentabilise. Je vais le faire, moi, avec, même si je sais que c'est pas fameux. Mais c'est pas mauvais. C'est un peu difficile, c'est un peu frustrant, mais tu sais, c'est sûr que si tu veux vraiment jouer au jeu, il y a des meilleures alternatives que de sortir ta Visa. En dehors de la collection, t'achètes pas ça. Non, moi, si tu le vois à 5$ dans le garage, tu le prends tout de suite et tu le flippes pour les bonnes cassettes. Mais tu l'achètes seulement pour faire beau dans ta collection. C'est ça. Pas pour le plaisir qu'il apporte. Flip it. Flip it. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste Bruno. Ouais. Puis Nick par la suite. Ok. Chris, je vais me chercher un autre bière. Ok, fait que moi, je switch à GF. Yes. À Mr. Shifty. Qui est un jeu, jeu sur la Switch et sur PC. C'est développé par Team Shifty, publié par Tiny Build. Ah ouais. 13 ans et plus pour violence. Violence, mais c'est pas si pire que ça finalement. Bref, Mr. Shifty, ce que c'est en fait, c'est comme si on mélange Hotline Miami avec Nightcrawler. Donc, on est Mr. Shifty là-dedans, qui est un espèce de personnage clandestin qui ressemble au premier dude dans Watch Dogs. Clandestin. J'ai le rhume. C'est ça. Puis Mr. Shifty, en fait, son aptitude, c'est qu'il peut se téléporter à courte distance. Donc, t'as comme une espèce de point autour de ton personnage, puis tu peux peser sur ton bouton, puis il va se téléporter à ce point-là. Ce que tu fais, en fait, là, c'est que t'as des niveaux, certains niveaux que c'est un petit peu plus puzzle, puis d'autres niveaux où c'est un petit peu plus bataille. Puis c'est ça, finalement, en fait, là, ce que tu peux te défendre avec tes points, t'as pas de gun là-dedans, t'as pas d'armes comme telle, sauf que si tu brises certaines parties du niveau, comme disons, mettons une échelle qui est à côté sur le mur, tu vas avoir un bâton. Des fois, il y a une épée qui est sur le mur que tu peux prendre, il y a des armes que les ennemis vont laisser tomber que tu peux prendre aussi, que tu peux lancer, mais que tu peux frapper aussi avec. Puis c'est ça, tu vas avoir des portes aussi que tu vas pouvoir frapper, puis ça va revoler sur le personnage, va tomber. Donc, on sent quand même certaines des inspirations de Hotline Miami, même la trame sonore, il y a un petit côté Hotline Miami. C'est le look aussi. Le look aussi fait penser à Hotline. Je l'aime, moi, ce look-là de Mission Impossible au NES Hotline Miami, ça me parle au bout. Ça fonctionne tellement bien. Christ que c'est beau, là. Mais c'est ça, ce jeu-là, en fait, ce qui est le fun, l'action, c'est que là, ça va tellement vite, mais t'es totalement en contrôle de ce que tu fais. Tu sais, c'est pas une affaire où ça va trop vite puis tu comprends pas exactement ce que tu fais. Tu finis par le maîtriser très bien. Puis tu sais, tu restes l'autre côté de la porte. Puis là, tu fais comme, OK, comment je vais faire? Tu sais, il y a 8 d'autres qui sont là. Si je frappe lui, l'autre me shoot. Si je frappe lui, l'autre va me tirer. Fait que tu sais, t'as quand même un petit peu de technique là-dedans puis de stratégie à avoir pour réussir. Des fois aussi, tu vas rentrer dans une pièce puis là, il va y avoir des tours à canon un peu partout. Puis là, il va falloir que tu trouves un moyen de contourner ces tours-là. Il y a des barils explosifs. Des fois, il y a des lasers qui passent. Puis il y a des explosions un peu partout. Fait que tu sais... Wow, le gars vient d'activer un laser là, qui a tué tout le monde. C'est ça, il y a des booby traps aussi. Des fois, tu peux activer certaines affaires qui vont faire que ça va tuer tous les ennemis qui sont dans la pièce. Donc, c'est ça, il y a des petits puzzles là-dedans qui sont quand même assez brillants, assez bien faits. Rien de très compliqué quand même. T'sais, c'est vraiment plus une affaire d'essai-erreur aussi. Puis ce qui est le fun, c'est que le temps de chargement est vraiment pas long. Ce qui fait que tu meurs, tu recommences, tu meurs, ouais, tu recommences, tu meurs, ça, tu recommences. C'est ça qu'il faut pour des jeux de même, toujours. Il n'y a pas le choix parce que c'est tellement rapide. T'sais, c'est pas un jeu qui est fait. Tu joues pas à ça pendant 3 heures, là, mais quand tu joues. Ah, je pourrais. Christy, que t'as du fun, ouais, sérieusement. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis. Tu sais, les contrôles sont vraiment en tête. Il n'y a pas beaucoup de contrôles. Puis moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Exact. T'sais. Le jeu, il y a à peu près là, 3 boutons. Là, t'sais. Dans le fond, tu as ta téléportation, tu as frappé, lancé, qui est le même bouton. Puis sinon, tu as aussi des fois ton analogue qui va te servir à juste regarder un petit peu plus loin dans le niveau quand tu es derrière une porte. Puis c'est ça, sinon, tu sais, le narratif, t'es vraiment comme un agent, puis il faut que t'ailles trouver des plantes, des trucs comme ça, pas super intéressant, non. Pas super captivant, mais juste correct, tu sais, pour qu'il y ait une petite ambiance là-dedans, un petit peu énervante. Côté design de niveau, c'est bien designé côté structure, mais côté visuel, j'ai trouvé ça assez plate. T'es tout le temps à peu près dans le même environnement. Ouais, t'es dans un building, puis t'as l'impression d'être tout le temps à la même place. Ça évolue pas vraiment. Fait que ça, de ce côté-là, j'ai trouvé ça un petit peu... pas lâche, mais tu sais, je trouve ça. Ça a l'air flyé pendant 5 minutes. Là, c'est ça. Tu tannes vite un peu du style. Ouais. Le style, tu tannes, mais le gameplay est tellement solide que j'avoue que tu t'en fous un peu. Ça aurait pu être des fonds jaunes, puis. Est-ce que ça appuie quand juste même? Juste un petit point, puis ça fonctionne, tu sais. Mais j'aurais aimé ça. Tu sais, des affaires qui sont le fun, par contre, tu sais, t'as des vitres sur le côté du building. Si tu frappes un bonhomme dans la vitre, il va tomber en bas du building. Ça, c'est beau, là. Fait que. Tout ce qui devrait arriver si c'était dans la vraie vie, si ça arrive pour vrai, ça, moi, ça me plaît quand ça arrive dans un jeu. Tu fais comme bon, comme, c'est bien fait. Comme te téléporter. Comme te téléporter, ça arrive comme ça dans la vraie vie. Des fois. C'est ça. Fait que, tu sais. Puis il y a aussi une autre affaire qui est intéressante, c'est que si une balle t'effleure, le temps va ralentir. Ça, j'avoue que j'ai jamais réussi à le faire par choix. Okay. Ça m'est arrivé, genre, j'ai dit, oh shit! Puis là, tu fais une coupe de move parce que ça ralentit pendant quelques secondes, puis tu te fais plaisir. Comme dans Matrice. Comme dans le pareil. On salue Max Payne. Ouais. Encore aujourd'hui. Ses multiples années de plagiat. mais c'est ça. Mais tu sais, puis en plus, t'as tout le temps comme un certain... t'as comme 5 petits carrés en bas. Puis ces 5 carrés-là, en fait, c'est le nombre de fois où tu peux... t'as téléporté de suite, puis après ça, t'as une jauge qui remonte. Ah, fait que tu peux pas tout le temps te téléporter non plus. Non. Ben, ça, c'est intéressant. Justement, ça fait que t'as pas le choix d'avoir une certaine technique. Tu peux pas le faire sans arrêt, juste faire comme je me sauve. Ouais, c'est ça. Puis t'as pas le choix de battre tout le monde dans la salle avant de t'en aller, tu sais. Fait que non, c'est vraiment un jeu qui est bien fait, qui est vraiment brillant. Moi, en fait, tout ce que j'y reproche jusqu'à date, sur Switch, j'avoue que j'ai eu certains ralentissements à certains moments. Il y a un patch qui est sorti qui répond à ça, qui corrige ça. Donc, j'ai plus vraiment ce problème-là. Puis, sinon, ben, il y a le côté visuel. J'aurais aimé ça quand même, avoir d'autres environnements, tout ça. Mais le jeu est tellement bon, tellement tight, que je pense qu'il va sûrement y avoir une suite à ça. Oh. Tiny Build, Team Shifty, c'est une petite équipe. C'est des jeunes développeurs. Fait que je pense qu'ils ont un succès entre les mains. Là, ça va vraiment être ce jeu-là. Ça va être un jeu de Switch à se procurer pour n'importe qui. C'est pas une expérience co-op, pas en tout. Non. Mais c'est vraiment un jeu le fun. T'sais, Zelda, c'est bien cool. Là, mais peut-être qu'entre deux games de Zelda, tu peux jouer à ça. Puis vraiment triper. Puis jouer à quoi qui est rapide. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais tellement déçu que ça soit pas sur 3DS. Ouais. Je te jure que j'ai quasiment envie de m'acheter une Switch. Avec pour le des stylet, jeux de ça aurait pu être intéressant aussi. Eh oui, oui, de slasher. Ouais, c'est vrai ça. Absolument. Ouais. Mais moi, un jeu de même, ça me parle là, profondément. J'ai pas joué, mais. Je l'achète tout de suite. Là, c'est vraiment le fun. Ouais. En fait, t'as besoin de faire le premier niveau. Puis t'es conquis, prêt, là. C'est sûr et certain que t'es dans le rêve. Si la musique est bonne en plus, comme la musique est super bonne. Ou est-ce que la musique va te rajouter une couche, là? Ouais. Incroyable. Ouais, la musique est bonne, mais c'est ça. Hotline Miami avait cette facture visuelle-là. Puis toute l'histoire qu'il y avait autour était intéressante. Ouais. Même si visuellement, tu regardes le monde de dessus, tu fais comme comment ils vont rendre ça intéressant. Il y avait de quoi, tu sais. Ça, c'est plate un peu. Ça, c'est vie de bureau. Exact. T'as pas, c'est un peu vide, là, tu sais. Fait que... Zardoz a été coupé, ouais, il y a eu un petit problème. Voyons. Oh! Nick le fucky. Tantôt. Ah, Zardoz. Fait que c'est ça, je vais lui donner sa note. Doigt de pogo. Fait que Mr. Shifty, un beau 8. Très, très, très, très bon, mais la prochaine fois, soit plus original. Bravo! Fait que c'est ça. On switch à Nick. Ouais, ben là, on enchaîne les Zardust. Je vais essayer d'aller plus vite possible. Ouais. Grosso modo, je vais vous dire comment j'ai entendu parler de ce jeu-là. Moi, je vais vous parler de... Est-ce que je parle de l'écho? Tout le monde parle de ça, PlayerUnknown's. Ouais, c'est ça. Ben... De l'écho? Ouais. De l'écho, ah oui, d'écho. De l'écho. Ça y est. Donc... Player Unknown's Battlegrounds. Pas d'écho! Non, pas... Ok, bon, ça n'a pas fonctionné, mais développé par Blue Hole, une compagnie coréenne et publié par Zola. Disponible sur PC, dans le fond, c'est comme un. Toi, puis Nick, ça marche pas, vos. C'est un peu les notes sont pas bonnes, l'écho ou pas au rendez-vous. Parlez-vous, tabarnak. On est off à soir. Non, mais Jeff se venge présentement, tu sais, parce que tu. Ah ouais, tu m'as pas averti quand t'as changé ta note. Ben, pas d'écho pour toi. Mais mono, sound. Je t'ai juste dit. Sound. C'est ça. Bon, Monsieur Swiss Army. Donc, ouais. Ça, en fait, c'est un jeu qui est en Early Access sur Steam. Et je veux dire comment j'ai entendu parler de ce jeu-là. C'est mon voisin, en fait, là, qui ton fameux voisin gamer. Voisin, Pierre-Luc, là, oui, que, oui. Quand je sors mes poubelles, il est là, puis on jase. On le sait. Mais je le trosse dans ses goûts. Il y a des bons goûts de jeu, tu sais. Ouais. Je le salue d'ailleurs et je le remercie. Mais quand on demande à quoi vous jouez ce week-end sur Retro Nouveau, il a répondu. Il dit PlayerUnknown Battleground. J'ai dit, hey, c'est quoi cette affaire-là? Je connais pas ça. J'étais voir. Puis là, j'ai juste checké et j'ai dit, oh my god, ça a l'air malade. Donc, j'ai acheté ce jeu-là. Je pense que c'est 35$ en fait. Puis présentement, il y a juste une carte. C'est vraiment limité. C'est un alpha là, ou pré-alpha. Là, c'est buggé au coton, ce jeu-là. Là, mais il y a quelque chose de vraiment important à dire. T'sais. Puis Fred pourra témoigner de tout ça. La chose la plus importante quand tu développes un jeu, tu sais, c'est find the fun. Ouais, tu dois trouver quelque chose de le fun, tu sais, puis c'est pas grave si c'est incomplet, c'est pas grave si c'est buggé. Est-ce que c'est le fun, oui ou non, tu sais? Ouais, puis eux autres, là, ils ont mis le doigt direct sur le fun. C'est comme. Je vais vous décrire un peu l'expérience, tu sais. Dans le fond, c'est un gars, c'est parti de l'idée d'un gars qui a fait un mod sur H1Z1 qui était un espèce de mode bataille royale, ok? Fait que c'est ça, ce jeu-là. C'est de la bataille royale. À grande échelle. Donc, ce qui se passe, c'est que genre, au début du jeu, t'es comme dans une espèce de lobby limbo où tu peux ramasser du stock, puis te tapocher, puis tirer, puis ça fait rien. T'attends de que 100 personnes qui jouent le jeu. Puis à partir du moment où t'as atteint 100, ben là, tu pars en avion sur l'île, OK? C'est super hot. Là, tu peux parler au monde. Dès qu'ils sont à proximité de toi dans ce jeu-là, tu peux parler au monde. Tu peux les insulter, les envoyer paître. Tu peux essayer de faire des alliances avec eux, tu sais. T'as de la communication à partir du moment où t'es proche pis t'es voix, tu sais. Ça, c'est vraiment important parce que dans l'avion, le monde se dise des niaiseries, tu sais, pis c'est tout le temps drôle, tu sais. Ça doit être t'as tout le temps une épée, là, qui a une toune qui joue, t'en as un qui rappe, y'en a un qui t'insulte, tu sais. Sa mère chiale. Ouais, exact, c'est ça. T'entends un chien japper. Bébé t'sais. Qui braille. Okay, ouais. Exact, tu sais. Fait que là, pis là, t'es dans l'avion. Comme la guerre. Mais t'es dans l'avion avec 100 personnes. Pis là, t'es en haut, pis là, t'as une vue de la map qui est en bas à droite, comme on voit. Pis là, tu vois où tu peux atterrir sur cette île-là, OK? L'île est grande, mais pas tant que ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment stratégique où tu vas atterrir, tu sais. Sur la carte, tu vas voir où il y a des bâtiments. Puis dans les bâtiments, il y a du loot. Tu commences, quand tu sautes de l'avion, tout ce que t'as, c'est un t-shirt, des jeans, tes bottes, puis that's it, tu sais. Fait que là, quand tu drops, il faut que t'aies de ramasser du loot, mais genre à vitesse grand V. Parce que si t'as le malheur d'atterrir à côté de quelqu'un, ben lui, il va vouloir te tuer tout de suite, tu sais. Puis ça donne lieu à des... C'est vraiment, vraiment intéressant, tu sais. C'est autant intéressant que tu peux t'envoyer dans une zone où tu vas être tout seul puis tu vois personne puis là tu ramasses tout le loot puis c'est cool puis là tu es obligé de te déplacer pour essayer de trouver du monde ou encore que tu vas juste avoir un combat super intense dès que ton parachute atterrit là tu vas t'approcher à coups de poing tu sais puis la mêlée est brisée dans ce jeu là parce que t'entends pas le son du feedback quand tu tapes quelqu'un fait que t'es jamais sûr que tu l'as tapé tu sais nice. Moi je tiens à dire que j'ai réussi à tuer quelqu'un en mêlée. Et bien que ça soit méga buggé, c'est encore plus satisfaisant quand ça arrive. Je l'ai battu, en fait, on s'est battu à coups de poing dans une salle de bain. Pendant que le gars essayait... Wow! Ouais. Le gars, il avait ramassé le seul gun de la chambre de bain, puis les balles, tu sais, moi, j'avais rien. Puis pendant, puis ces armes-là, quand elles sont à terre, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils n'ont pas de balles dedans. Fait qu'il faut que tu reloades, puis c'est assez long. Fait que pendant qu'il reloadait, moi, je le tapochais. C'était écœurant. Sans savoir si wow. Tu t'approchais. J'étais même pas sûr que je le pognais, mais tu sais, dans la salle de bain, c'était un petit peu confin comme bar. Et, écoute, là, je l'ai tué. Là, j'étais comme, yeah! Quelle satisfaction. Ce jeu-là, c'est ça qui va vous donner tout le long. Des frustrations et des satisfactions. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Là, vous allez vous dire, ouais, mais écoute, qu'est-ce qui va empêcher un gars de rester dans sa maison puis de camper comme un fou? Bonne les question. Balles. Bonne question, vous allez me poser. C'est que dans le fond, il y a comme un... Il y a une mécanique qu'ils ont mis autour du jeu où t'as un grand rond blanc puis t'as un rond bleu. Le rond blanc, c'est où tu dois aller. Puis le rond bleu, c'est une espèce d'énergie mystique de force. Là. Un petit peu comme genre un Hungry Games. Là, t'sais, Hunger Games, c'est-à-dire. Hungry là, que, Games. Ouais, Hunger Games, pardon. Les jeux des Doritos. Exact. Puis là, tu sais, ça va. ça va se refermer progressivement. Fait que tu sais, bien qu'au début, c'est comme t'es au milieu d'une super grosse map, ben ça se réduit. Là, tu pars à 100. Là, tu butes du monde, là, tu vois, ça devient genre 90, 80, 50. Plus ça réduit, plus le rond est réduit, tu sais. Là, à un moment donné, t'as pas le choix de bouger parce que tu vas prendre du dommage. Là, c'est là que tu peux aller pogner des véhicules, tu sais. Il y a des Dacia dans cette auto-là, dans ce jeu-là, je t'ai mentionné. Tu peux piquer une Jeep, tu sais, tu peux t'en aller. Il y a toutes sortes d'armes, tu sais. C'est assez varié, honnêtement. C'est vraiment intéressant. Mais le fun, c'est que genre, plus ça réduit, plus t'as de chances de rencontrer du monde. J'ai eu la chance, parce que c'est vraiment de la chance, de te ramasser dans le top 10 à la fin. Ouais, c'est ça, j'allais te demander. Est-ce que t'as du respawn là-dedans quand tu meurs? T'as aucun respawn, mais okay. Tu fais juste quitter ta game et en pogner une nouvelle, tu sais. Ok, tu quittes la game, tu fais pas le matchmaking solide. Non, mais le matchmaking, il se fait... Ben c'est ça, t'as pas d'intérêt à checker ce qui se passe, là. Tu veux juste commencer une nouvelle game. Puis présentement, écoute, c'est surprenant, ils ont vendu 1 million de copies ce jeu-là. Wow! Fait que t'as du monde à jouer, tu sais. Des fois, il y a des petits problèmes de performance au matchmaking, justement. Mais écoute, c'est génial. J'ai hâte de voir. Un jeu buggé quand même, c'est assez impressionnant. Écoute, oui, mais oui. Tu sais, si vous êtes familier avec les Early Access Teams, c'est tout le temps ça, là. Mais l'important, c'est que c'est le fun. Mon expérience est vraiment hot. J'ai hâte de voir où les créateurs vont amener ce jeu-là. Mais présentement, ils ont quelque chose dans les mains. Ça pourrait devenir un genre de e-sport, en fait. Ben, c'est ce que je pense. C'est clairement la formule, là. Mais c'est Bataille Royale. Tu sais, vous avez déjà vu le film japonais. Tout le monde à la job, là, sont tous là-dessus. Ouais. Là, c'est rendu que, tu sais, je suis pas un gamer de PC parce que je pense que j'ai un PC qui a 8 ans chez nous. Mais Chris, ça je vais booster. J'ai envie de booster mon PC. Ah, écoute, j'ai envie de sortir mes petits tournevis là, puis de rajouter des lumières là-dedans. Il y a le fait que tu quittes tout de suite après ta game, ça fait tout le temps une petite dernière. Tu sais, tu regardes ta montre, tabarnouche, il est 2h30 du matin. C'est comme... mais c'est... Moi, je vous dis, si vous aimez ce genre de jeu ou le concept, là, allez-y. C'est un beau produit, c'est en préachat. Là, présentement, ils ont vendu 1 million. Fait qu'ils vendent 35 pièces chaque. Steam se pogne 20%, fait qu'ils ont au moins 20 millions dans les poches là, pour faire quelque chose de cool. Selon moi, une fois qu'ils ont payé le staff, ça va être intéressant. On pourra faire leur épicerie puis clairement, travailler sur Mais beau potentiel, sérieusement. Là, le nom est long, il est en lettres majuscules, mais ça veut rien dire. Ouais, pourquoi PlayerUnknown's? Je pense que c'est le nom du gars qui était le modeur qui a fait un mode H1Z1. Il me semble que c'est ça. Ah, parce que le nom, il n'est pas rapport. Non, c'est ça. Ouais, mais en même temps, c'est toute une bande de nobody qui vont se battre ensemble. Ça, je trouve ça fait mais pas mal. Ouais, c'est tout des... Mais c'est ça. T'sais, ça fait du sens. Personne n'a une personnalité. Non, mais tu peux t'habiller. Tu peux débarrer du lot pour t'habiller différemment, mais ça ne change rien. C'est pas de l'équipement, c'est du look. Mais anyway, un beau produit si vous aimez les jeux PC. Le aiming est un petit peu off des fois, mais regardez, le potentiel est là, puis surtout le fun est là. Fait que moi je vous le recommande fortement. Je donne pas de notes parce que c'est avant l'alpha, là. Mais checkez ça. Ça vaut la peine. Nice. Good job. Malade. On fait une très courte pause pour ouvrir la discussion. Discussion à saveur rétro aujourd'hui. Ouais. Nice. Pause. Ça fait tellement rire, aller aux pommes. Aye, c'est... Y a-t-il quelqu'un qui aime vraiment ça, aller aux pommes? Ben, moi, je vais avec les enfants. Là, les gars. Ça me dérange pas, moi. Les gars aiment pas ça. Là. Moi, j'aime ça y aller avec les enfants. Tout ça me fait plaisir, tu sais, mais sinon, j'irais jamais. Là. Moi, j'aime mes enfants aux pommes, mais moi, j'aime pas ça, aller aux pommes. Non, c'est bien des affaires que tu fais pour tes enfants aussi. Là. Ben, pas mal tout. Moi, j'ai pas d'enfant. Là, à tes activités d'enfant. Moi, j'ai pas d'enfant. Je suis souvent ramassé aux pommes. Puis tu sais, tu reviens de ta journée, t'as un sac de pommes, puis t'es comme... Hey, ça va être ça, on se pièce. Avec les pommes. C'est l'expérience. Ben, avant d'avoir des enfants, j'ai fait ça. Moi, avec, je suis allé aux pommes. J'avais pas d'enfant. Je suis allé au zoo avec ma blonde. Hey, on va aller au zoo. Là, t'as des enfants, c'est tabarnak. Ben oui. On a déjà fait ça. On était bien allez voir, aller voir des films on, de. Quand on passait à voir des antiques, Chris, allez pas là avant d'avoir des enfants. Vous allez aller deux fois par année. Allez voir des films d'animation pour enfants au cinéma. Pas d'enfants. C'est ça. Ben, quin. Tu peux écouter le film, pas obligé d'aller aux toilettes quatre fois. Ouais, c'est pas si pire. C'est bourré d'orangeades, ces enfants-là. C'est assez fatigant. Fait que. Ouf! On va commencer tout de suite la discussion à savoir rétro cette semaine. On va parler de game chasing. Yes. Puis, grâce aux cassettes, la chasse des cassettes, ceux qui aiment acheter des jeux rétro, tu sais. Ouais. Et quand même récents aussi, on peut game chaser pour des jeux récents. C'est du stuff en 2017. Les Collector Edition. Est-ce que la game a changé? Ben, c'est sûr que la game a changé en 2017. La game n'est plus la même. Disons, ça fait combien de temps, toi, que tu collectionnes plus sérieusement? Moi, je te dirais, j'ai jamais vraiment arrêté. Tu sais, je m'étais débarrassé de mes cossins à un moment donné. Ouais. J'ai recommencé à me stacker up peut-être il y a une dizaine d'années. Puis tu sais, ça fait peut-être 5 ans là, que... 5... Non, c'est juste une dizaine d'années. Ça fait peut-être 5 à 3 ans là, que je commence à essayer d'avoir des collections complètes. Mais tu sais, j'avais recommencé à rééquiper en rétro au début il y a une dizaine d'années peut-être là, avec eBay dans ce temps-là. Puis tu ramassais des cassettes, des jeux que tu avais envie de jouer. Là, pas juste pour dire que hey, la tablette est pleine. Ben, ça commence demain. Ça commence demain. T'imagines bien fin finaux, là, t'es comme ah, rien qu'un petit peu de jeu. Ouais. Là, ça part. Parce que quand tu commences en disant moi aussi, je veux une collection de jeux, pis y a du monde comme hey, moi je vais faire un full set NES parce que c'est beau. Mais si t'aimes pas le NES, là, tu mettras pas l'argent. Non, t'aimeras pas ça, là. T'sais, faut vraiment que tu y ailles par passion. Puis habituellement, tu commences pas en disant je vais faire un full set de NES. Non. Tu commences, tu ramasses des jeux de NES, puis là, mané rendu à 200, t'es comme hey! Hey, il devrait être cave. Moi, je suis pas collectionneur comme vous. Ce que j'ai observé, les collectionneurs, ils commencent tout le temps. Oh, je vais faire un subset. Je vais me pogner, mettons, les Black Label. Exactement. Ouais. Puis là, ça les pogne. Ouais. Là, après ça, son pogné, il se ramasse à faire un full set. Ouais. Hey, on va juste faire les labels originales, là, puis tu finis un full set. Ah ouais, ben mais ça... toi, t'as commencé avec quoi, Dom? Ben moi, j'ai collection. Tout le temps gardé mes vieilles machines. Puis même si j'ai eu une PS2 dans le temps, tout ça, j'avais quand même mon Nintendo, t'es branché, joué à Galaxy 5000 au NES, tu sais, tout ça. Puis j'ai tout le temps aimé me garder un NES pas loin pour faire des petites games. Mon Atari aussi, d'ailleurs. Ouais. Et puis, fait que j'ai jamais comme abandonné dans ma tête les jeux rétro. Mm-hmm. Puis j'ai recommencé à fond là-dedans, je dirais, en 2010 à peu près. Jour où est-ce que j'ai dit à ma blonde... On avait une grande chambre à coucher, on était en appart. On avait notre premier enfant, il avait genre... il était tout petit, il avait 2 ans. Et puis, j'ai dit, je pourrais-tu prendre une bibliothèque, tu sais, puis la mettre dans le coin de notre chambre à coucher? Puis je pourrais-tu mettre mes cassettes dedans? Fait que je commence à en avoir pas mal, tu sais. Là, elle a toléré, tu sais. Ah, puis j'avais pris aussi... On avait changé de télé, puis de meubles de télé. Fait qu'on avait un beau setup dans le salon. Fait que j'ai pris les vieilles affaires, puis je les ai mis dans notre chambre à coucher. Mais qui était vraiment faite longue, ça fait que c'était dans un coin, tu sais, avec ma vieille bibliothèque Billy. la j'ai Billy, tout classé, man. Mais ouais, tous mes jeux Coleco, tous mes jeux NES. Puis là, c'était la première fois que j'avais des émotions mettre mes jeux en display, tu sais. Ça, c'est venu me chercher, là, tu sais, parce que le collectionnage, faut que ça fasse beau, faut que ça soit beau chez vous, là. Faut pas que tu mettes ça dans des boîtes, faut pas que ça soit dans des boîtes. C'est faut que tu le vois tout le temps. Ben non, mais c'est à un moment donné, t'as plus le choix, fierté, peut-être là, t'en sers un peu, là, mais t'as quand même un display, tu sais. T'aimes ça regarder ces objets-là, là, tu sais. Ben, moi, je pense que c'est ça la collection aussi. Si t'as une collection, c'est pas pour flasher, mais en fait, c'est parce que tu veux la voir, ta collection, tu veux pas la cacher comme tel. Tu sais, justement, c'est le fun. En fait, je pense que c'est bon aussi de clarifier, tu sais, il y a différents types de collectionneurs. Il y a le collectionneur traditionnel, tu sais, que lui, il veut juste avoir l'item, l'objet, puis tu sais, collectionner et tout. Mm-hmm. T'as aussi, tu sais, le gros gamer. Tu sais, il y a des gens qui achètent tous les jeux, tu sais, qui sont vraiment comme... Ils en ont une chier, là. Ouais. Mais qui sont pas nécessairement comme collectionneurs. Je sais pas comment tu te considères. Bruno, je sais que tu as pas mal de jeux. Tu en joues beaucoup et tout. Mais est-ce que tu te considères comme collectionneur ou... Non, parce que moi, j'ai une maladie épouvantable. Pis c'est l'attrait de la nouveauté. Ouais, fait que tu passes à autre chose. Parce que je joue à quelque chose. Puis le lendemain, pas que je le jette, mais tu sais, il y a déjà quelque chose de nouveau qui est plus intéressant. Tu gênes pas de l'échanger. Exact. Il y a une affaire de collectionneur que j'ai en moi, puis c'est même pas pour les bonnes raisons. J'ai chez nous une boîte de... Parce que j'ai acheté un lot de jeux Game Boy à Vincent Laniel, le King. Ouais. Pis... Tous les épisodes. Le show du King. Ouais, le King. Pis c'est ça, pis j'ai quand même acheté un bon lot de cassettes Game Boy, pis là j'arrête pas d'en acheter. Pis mon trip, en fait, c'est j'ai gardé la même boîte dans laquelle il m'a shippé ça. Pis maintenant c'est le fun parce que je peux plonger ma main dans la boîte sans regarder, pis piger un jeu, pis je joue à celle-là. Ouais. Je la regarde même pas, fait que moi c'est un peu devenu ça mon trip de collectionneur, juste de comme piger de quoi, puis jouer un peu random, puis juste d'avoir genre, oh, j'ai le luxe de piger comme Scrooge dans son cache. Ouais, mais tu sais, t'es aussi un des gars que je connais qui a plongé le plus tôt dans les jeux virtuels. Ouais. Genre, la copie physique était pas vraiment importante pour toi. T'sais, au PS3, t'achetais plein de jeux virtuels, mais c'était long à downloader, plus de place sur le disque, mais ça t'arrêtait pas. T'sais. Ouais. Non, mais je veux dire. Non, mais moi, j'ai embarqué dans toutes ces affaires-là que genre, il y avait un bonhomme en saut qui arrivait, tu sais, Now we go digital. Puis là, c'est comme Yes! C'est le jeu. PSP Go! PSP Go! Puis j'étais dans le champ, mais moi, je suis bien dans mon dans le champ aussi. Mais c'est ça, tu sais, je pense que avant, il y avait pas mal ces deux catégories-là. Puis je dirais que l'affaire qui a le plus changé dans les dernières années, c'est que t'as la troisième catégorie qui n'existait pas, qui est rendue vraiment très proéminente maintenant, qui est le spéculateur. Celui-là qui achète des jeux en se disant « Hey, ça vaut combien? Ça, va, ça vaut quoi, ça? » C'est pas genre « C'est quoi ce jeu-là? » C'est « Combien non, ça vaut? » Combien ça vaut? » Ça, là, on est pas mal actifs sur Facebook, on les voit tout le temps arriver. C'est toujours le gars que personne connaît. Puis là, il arrive, puis il est comme « Hey, j'ai acheté ça à 20$, combien ça vaut? » Tu sais, à toutes les semaines. Puis là, les gens, il y en a qui répondent, il y en a qui disent comment évaluer ses lots. Il y en a d'autres qui se moquent de lui et tout. Puis c'est vraiment, c'est rendu très, très commun. Au point où, petite parenthèse comme ça, tu sais, on chiale contre eux, mais des fois aussi, ça arrive que ça leur pète d'en face. Cette semaine, il y en a un qui est arrivé avec un lot de trucs, 200$. Puis tu sais, il était bien content, mais dans le fond, il y en avait pour peut-être 120 ou vraiment en étant généreux. Mais dans c'était son des stock. Jeux de marde. Que de la nombre. Il a acheté un lot de trucs. Les gens étaient contents de se dire cette fois-ci. Avec genre une quinzaine de jeux, mais juste des c'était pas une Super NES, c'était une rétro Ah ouais, une rétro. Rétro duo de marque. Okay. Mais ça, c'est rendu très commun maintenant. Justement, les gens qui s'intéressent juste à la valeur. Tu sais, que c'est là, je vais acheter, je vais pogner tout le stock qui vaut de quoi. Puis, tu sais, je vais essayer de l'avoir le moins cher possible. Puis, je vais le flasher. Flasher son stock, ça, c'est rendu big. Flasher son stock, ça, il y a tellement de monde qui font ça. Puis, qui n'ont pas de stock à flasher. Exactement. C'est juste comme. Je veux pas sonner prétentieux, là, mais des fois, c'est gênant en tabarnak. Ah, ouais. Mais moi je suis totalement genre. Hey, checker ma collection, tu sais. Ça avance, j'ai commencé l'année passée. Un petit meuble, petite affaire. Je suis comme, hey, good job, buddy, tu sais. Ouais. Mais il y en a qui sont comme, yeah, man, check ça. C'est comme, fuck you, man. Si tu savais à qui tu t'adresses, là, je parle même pas de moi. Tu sais, il y a du monde sur la page qui pourrait acheter. Pour acheter ce gars-là puis toute sa famille là, avec leur collection s'il voulait. Mais tu sais, il y a des collectionneurs. Eux autres sont peut-être proches en fait de cette catégorie-là. Tu sais, les collectionneurs qui sont genre le memorabilia ou je sais pas comment qu'on appelle ça exactement, mais tu sais, les souvenirs genre de sport souvent en fait, qui achètent des items vraiment précis, genre une carte de hockey qui vaut super cher, un bâton, des patins, un jersey. Tu sais, ça, est-ce qu'il y en a dans le rétro du monde qui vont juste acheter les cassettes qui prennent énormément de valeur puis qui n'auront pas une collection de comme vous autres, vous avez un full set? Ouais. Ben, c'est sûr qu'il y en a, tu sais. Il y en a vraiment que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est d'avoir des gros morceaux, des pièces rares, tu sais. Parce que du monde qui veut faire de l'argent, en fait. Là. Ben, tu sais, au final, il y en a une très grande quantité. C'est ça, tu prépares une retraite, mais en même temps, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la bulle du rétro qui est arrivée dernièrement, tu sais, est-ce qu'elle va durer, est-ce qu'elle va pas durer, est-ce que les prix vont monter, vont baisser, tu sais, ça, personne ne le sait vraiment. Puis de nos jours. Ça fait des années qu'on dit ça. C'est ça. Il y a des années qu'on dit ça, puis ça baisse pas. Non, mais il y a une autre affaire qui est arrivée dans les dernières années aussi. C'est que, tu sais, on commence à avoir aussi des bulles un peu fake. Les gens, ils cherchent des trucs. Tu sais, comme, il y a eu les Amiibo. Les Amiibo, là, c'était la grosse affaire. Ouais. Ah, tel Amiibo est rare, là, je vais le vendre 100$ le Little Mac. Hey, là, ça, c'était une vraie honte. C'est ça. Mais le problème, c'est que les gens comprenaient pas l'aspect que, ben, tu sais, Nintendo. Ils ont peut-être produit genre autant d'amiibo là, mais il n'y a rien qui les empêche de sortir plus d'amiibo plus tard. T'sais, c'est pas un nombre qui est fini. Ah, mais non. Ça, c'est un trip sur quelque chose qui vient de se faire. Sur les produits nouveaux. C'est ça, là, c'est hyper dangereux. Ouais. Exactement. Sur les produits rétro, il n'y en aura pas d'autres. Exactement. C'est ça, là, il y a une raison pourquoi ça vaut cher. Parce que le monde, il les garde chez eux. Mm-hmm. Ben, et puis, il y en a qui se détruisent, veut pas. Tu sais, des boîtes, là. Il y a des boîtes qui valent cher en tabarnak, là. Ouais. Non, les boîtes, là. Game Boy, les boîtes, là, c'est là-dedans que t'as les gros écarts. Tu sais, moi, je me rappelle, un été, j'avais été dans une zone de garage, j'étais tombé sur Metroid 2 Game Boy, qui est un jeu qui vaut peut-être une dizaine de dollars, t'sais. Le gars le vendait, mais tu sais, complet. Puis, il était très beau, fait que j'étais comme, tu sais, je l'ai acheté parce que c'est une belle boîte, tu sais. Puis arrivé chez nous, j'avais vu le prix, ça devait comme 120$. Ouais, il est rendu là, cher ce jeu-là, même, ça me fait capoter. Ouais, c'est je ça, le ça... veux vraiment, là, en plus. J'étais comme, mais là, écoute, mais c'est ça, c'est une boîte de Game Boy, parce que Game Boy, ben c'était portable. Tu mettais ça, tu gardais le petit case en plastique, tu jetais la boîte aux poubelles, puis exact. Tu gardais le petit... Fait qu'à cause de toutes ces crottés-là qui achètent tous les jeux, genre, rien que pour essayer de faire de l'argent ou quoi que ce soit, comme si moi, je me garochais, puis j'achetais toutes les... les vinyles ou les timbres ou les fucking affaires que je connais pas, mais que je me renseignais un peu parce que la bulle est tellement grande. Fait que maintenant, oui. Non, mais moi j'allais dire, le marché du jeu rétro aujourd'hui a vécu la même affaire que le marché des cartes d'hockey en 1990-91. Ouais. Quand c'est devenu populaire, tu sais, l'Upper Deck, Pro 7, ils ont pris des valeurs incroyables. Puis t'as eu genre plein de monde qui sont pitchés là-dedans, qui se foutaient vraiment les cartes pour l'argent, tu sais. Et c'est spécifique aussi, tu sais, vous le vivez, là, tu sais. Tu le vois, là, comme tu dis, le monde arrivait avec leurs gros sabots, là, de juste vouloir. Faire un profit, tu sais, dans le fond, mais qui n'ont pas la passion du produit. Mais c'est parce que même le gaming, en général, c'est démocratisé. Ben, c'était avant, ben, là, tu disais que tu jouais à un jeu vidéo, tu te faisais traiter de loser, mon gars, puis maintenant, c'est devenu quelque chose de... J'ai même vu une annonce aujourd'hui, c'était une annonce de Temptations, des croquignoles pour les chats. Puis le chat, il tire des aliens de Space Invaders en 8 bits avec ses yeux genre laser, tu sais. Ah ouais. C'est partout, man. C'est partout. Chris, c'est vraiment rendu ça, partout. C'est vraiment nostalgique quand même. Exact. On va pas le cacher. Puis tu sais, je pense que aussi les jeux vidéo maintenant, premièrement, ils coûtent cher. Là. Ouais. Tu le cacheras pas. Bah, deuxièmement, ben là, tu sais, plus ça va, plus que le jeu vidéo, des fois, il demande un investissement de temps qui est beaucoup plus gigantesque que ce que les gens ont. Ouais. Fait que tu sais, forcément, les gens en trentaine qui n'ont pas nécessairement une grosse plage horaire de gaming disponible, ben ça devient intéressant des fois de retourner dans les classiques où tu pars le jeu, ça commence direct, pas de niaisage, tu peux jouer 15 minutes, 10 minutes. Mais la nostalgie, ça vend. Ouais. Tout le monde, mais ça vend. Il y a la nostalgie, puis moi aussi, la simplicité. Ouais. Moi, ça, c'est quelque chose qui me manque dans le gaming. Ouais. Parce que je trouve que c'est devenu tellement compliqué. C'est pas juste c'est pas, pas l'idée mais tu du loading pis tout ça. Il y a des gens qui vont trouver ça compliqué, qui vont dire ah, j'ai jamais vu les affaires. Ils sont pas des gamers, mais ils vont gamer rétro parce que c'est nostalgique. Il y a moins de boutons. Le nombre de boutons, là, moins sérieusement. De boutons. La Wii l'a montré. Moins il y a de boutons, puis plus c'est simple, là, plus que ça pogne. Exact. Mais c'est ça, pour revenir au sujet principal, le game chasing. Le game chasing. Je game chase plus pantoute de la même façon qu'il y a 5 ans. C'est sûr. Avant, il y avait du stock, man. À chaque marche que je prenais, toutes les pawn shops j'arrêtais, il y avait quelque chose. Tu sais, des Spike McFang au Super NES à 15$ au pawn shop. J'ai crissé au pawn shop, j'ai ramassé plein d'affaires, là, tu sais. À cette heure, là, c'est le néant, là. Ouais. C'est rien. Puis à cette heure, on game chase ces places-là, et comme, bon, ben, on va aller voir la talle de 300 jeux PS2 d'un coup qui l'aurait échappé sur jeu là-dedans qui est intéressant. Tu sais, on se contente, on achète des fucking jeux de PSP, tu sais, des affaires de même pour ça. C'est sûr que feeder notre désir d'acheter quelque chose quand tu game chase, tu sais. Parce que maintenant, si fini, ça se fait tout là, sur Internet. Via des contacts. C'est triste, ou, mais c'est encore drôle. C'est encore drôle. Je pense que. Non, mais on va tout faire un ou deux crises de bon coup par année parce qu'on est la face des ventes de garage. Je pense que. Je pense que c'est. Avant, c'était plus facile, ça, c'est certain. Tu sais, genre, il y a eu. T'avais comme... pas besoin de te lever à 4h du matin pour être avant que la vente de garage ouvre. Puis toi, t'es là à 6h15, tu dis désolé, quelqu'un est passé, tu te ramasses. C'est ça, les ventes de garage à cette heure, c'est impossible. Ça dépend en quel coin. Moi, j'ai fait encore. Je dirais. Mais moi, j'ai des enfants, je peux plus y aller là, à 6h du matin. C'est ça la vraie game. Moi, c'est terminé les ventes de garage, impossible que je trouve quelque chose. Je peux plus jamais rien trouver là-dedans. Ça me fait chier. Mais c'est encore drôle, assez Montréal. Je vais marcher au plus en après-midi, esti. Il y a plus rien, là. Les gars, ils passent à 6h. Mais honnêtement, moi, tu vois, les ventes de garage, je l'ai fait à Montréal. Puis j'ai fait encore. Montréal, l'avantage, c'est qu'ils sont spontanés un peu partout. C'est très spontané. Des fois un peu caché. Moi, j'ai ramassé des Dreamcast à 1h l'après-midi. Moi, petit Joe, l'année passée, un dimanche, à 3h l'après-midi, on est arrivé chez une madame. Elle nous a donné un lot de Nintendo puis Nintendo 64 pour des peanuts. Elle avait ça. Tu sais, c'est. En région, c'est. Oups! Oh! Oups, c'est arrivé. La Riverbend, hostie. Ça broute, ça broute. Ok. OK. Bon. Show must go on. Show must go on. On va tenir les Doritos puis le... Tiens. Fait que bref... Fait que pour continuer là-dedans, finalement, ce que je disais, c'est que... En région, souvent, c'est ça la joke, c'est que les gens, bon, le monde de marché aux puces, là, ils se promènent avec leur char, ils checkent les pancartes, ils prennent les affaires, ils font le tour, puis tu sais, à 7h le matin, ils ont fini leur journée. Là, ouais. Mais exact. En ville, le monde à Montréal, tu sais, souvent, il fait beau dehors, tu sors dehors, tu mets ta table, c'est fini. Tu sais, souvent, c'est aussi compliqué que ça. Les meilleurs ventes de garage sur Kijiji sont pas là. Non. Fait que tu sais, c'est le même thrill que tu parles en haut des pawn shops. Je pense que c'est. Faut que tu sois prêt à mettre beaucoup de temps. Pour pas vraiment, beaucoup de récompenses. Pour pas nécessairement... Tu vas avoir une bonne récompense, mais moi, j'ai mes stats, je me dis, c'est toujours une fois sur 10. Ouais. Il faut que tu fasses tes spots, tes affaires, puis une fois sur 10, tu vas arriver à avoir de quoi. Une fois sur 10, tu vas même pas dire, « Wow, j'ai pogné ce jeu-là que je veux vraiment pour ma collection. » C'est comme, « Wow, j'ai trouvé un Super NES à 20$. » C'est ça, c'est mais ça. Ça, c'est l'autre problème, c'est qu'en même temps, nos collections sont rendues pointilleuses. C'est des passes d'argent qu'on fait, c'est pas... Ouais, nos collections sont très avancées. Très pointilleuses. Ouais, moi, à Star, quand je vois un Super Nintendo à 10$, ben, je me dis, OK, je vais pouvoir l'échanger au pire à quelqu'un pour avoir t'acheter une cassette un jeu que avec je vais pouvoir. C'est ça. Exactement. Tu sais, un moment donné aussi, c'est ça, on est rendu là, mais encore une fois, tu sais, un moment donné, cette année, je l'avais posé sur le pack, tu sais... Faut que tu trouves des endroits où est-ce que tu vas régulièrement, où est-ce que tu connais les gens. Les gens sont capables de te dire, ah, il va y avoir ça qui va arriver peut-être dans ce moment-ci, ou ben, tu repasses la semaine prochaine, j'ai vu quoi peut-être qui va arriver. Tu sais, les pawn shops aussi, là, un peu partout. Puis de temps en temps, t'arrives, puis écoute, moi, je fais encore des bons scores, mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai compté que je fais à peu près entre 3 à 8 spots par jour. Là. Par ça, jour. C'est tout le temps, là. Tabarnak, man, t'es vraiment intense. Mais moi, j'ai... Il n'y a pas d'enfant. J'ai pas d'enfant, puis j'ai comme... Tu sais, il n'y a pas de char non plus. J'ai déménagé dans un coin qui est intéressant pour ça dans la dernière année. Puis tu sais, maintenant... As-tu fait ce move-là pour ça? Pas juste pour ça. Pas juste pour ça. Il y avait un heat map à Montréal. On vit notre passion. On salue ton épouse. Il y a plus de cassettes. Plus de cassettes, écoute, puis aussi, tu sais, c'est rendu que je dîne à la job. Tu sais, moi, je dînais pas à la job avant, j'habitais à côté de la job. Fait que, tu sais, j'allais dîner chez nous, puis j'étais bien content. Mais là, je dîne à la job, puis tu sais, moi. Tu parles au monde. J'ai Ubisoft. C'est ça, tu sais, parler au monde, ça me tente pas de faire ça. Fait que, tu sais, souvent le midi, je pars, puis je vais faire une petite run. Tu sais, tu vas dans les friperies, les pawn shops, ces places-là, puis tu trouves encore des nouveaux endroits, puis des fois, c'est ça, tu fais des bons coups. Souvent, c'est là, en plus, que l'action se passe. Là, Mais moi, je fais des sols d'église des fois aussi, parce que ma blonde, on aime ça, checker les antiquités et tout ça. Des fois, tu tombes sur un Nintendo. Je demande au gars, hey, combien ton Nintendo avec Mario 1? Tu sais, 150. Fuck you, man. Tu connais rien, puis tu sais qu'il y a un hype, puis là, tu te mets un prix quelconque. Le monde... C'est fâchant. Ça arrive souvent, ça. Le monde ne connaisse pas ça. Puis tu donnes un hostie gros prix. Dis, ben, dude, ça vaut 50$. Non, j'ai vu, là, puis c'est bien populaire. Puis ça vaut 100$. J'envoie un Kijiji 100$. Non, ça vaut 100$. Non, ça vaut 50$. Mais tu sais, en même temps, ça, si je suis d'accord avec toi, on en voit de plus en plus, justement, les gens qui se rendent compte qu'il y a une demande. Tu sais, parce que moi je demande aux gens, je parle avec eux, puis tu sais, souvent, c'est comme, ah, t'es le quatrième qui me le demande, ben oui. Le cinquième. Kijiji, c'est rendu ça aussi. Les gens le sentent. Première affaire qu'un bon prix, t'appelles ou t'envoies un email, là, t'as 16e. Pas de réponse, finalement, ils te répondent. Kijiji, ben, désolé, je le vendais 20, finalement, quelqu'un m'a offert 100$, fait que je l'ai vendu. Merde, c'est ça. Kijiji, c'est la même. Moi, là, c'est terminé pour moi. Kijiji, la semaine passée, tu sais, on a spoté quelque chose, le gars, il a décidé de nous faire un prix, fait que tu sais, moi, petit Joe, fait que. C'était à côté de ma job. Fait que j'ai dit à Joe, tu sais, je vais sortir de l'argent, je vais me pointer, je te garantis rien. Puis il dit, mais là, c'est correct, là. Et le gars, il t'a dit, je suis comme, Joe, je te promets rien, tu sais. Comme le fait, le temps que je me rende à la job, tu sais, j'arrive, que je texte le gars, il me dit, ah ben, finalement, j'ai eu une meilleure offre. mais le gars, tu sais, il vendait pas nécessairement tant que ça moins cher en dessous du prix du marché. Puis tu sais, on le sait que les gens qui. Puis nous autres, on se contente de ça, on est comme, Chris, 10$ en dessous, c'est très bon. Il y a des gens qui ben c'est ça, tu sais, on le sait, il y a des shops dans certains marchés aux puces et tout, que tu sais, ben eux, ça leur dérange pas de payer le prix du marché pour le vendre après ça comme 20, 25, 30% plus cher, tu sais, c'est ça. On va parler d'un fameux Vectrex qui est en train de mourir à l'étoile du jeu à Saint-Eustache. Ah non, c'est... Il vend 700$. J'étais allé là en fin de semaine. Ça vaut 100, ça vaut 200 max, là. J'étais allé là en fin de semaine, puis tu vois c'est quoi les prix du printemps. T'sais, l'été, là, on dirait que ça va mieux, fait que les prix sont comme plus relax, mais l'hiver est tough. Ah ouais, ah ouais. Il fait ouais. tough, fait que ça monte, ça monte. Ah, c'est pathétique, man. Ça n'a pas d'allure. Ben, c'est pour ça que la meilleure façon de collectionner de nos jours, c'est suivre des pages Facebook comme le CCJVQ. Pas des pages comme Black Market. Ah non, ça, c'est de la guenille. Ça, c'est plein de guenilles. Ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment de la rapace. Là, c'est désagréable ouais. à avoir dans son feed. Ah ouais. Feed, ah ouais. J'ai quitté cette affaire-là. Les papoteuses qui commandent ah ouais, ça. Jamais là-dessus, man. C'est sale. C'est un univers sale. Ouais. Allez pas vers ça. Allez vers une page de connaisseurs, là, quand même. Ouais. Comme le CCJVQ, comme Retro Gaming Québec. Et puis, regardez le monde, postez. Jaser, puis si vous décidez de vous impliquer puis de poster dans ces groupes-là, soyez cool au début, là, tu sais, comme arrivez pas là avec vos grands sabots, genre, hey man, j'ai trois rebonds, c'est que je suis cool. Tu sais, comme, soyez gentil, puis écoutez, puis analysez, checkez qui poste régulièrement, c'est qui ce gars-là, ok. Ouais. Puis à un moment donné, tu catches un pattern, tu rentres dans un cercle qui te donne d'autres contacts, puis à un moment donné, tu fais partie d'autres cercles, puis à un moment donné, t'es dans le game. Non, ah, c'est comme ça au début. C'est comme ça que je t'ai connu, en fait. Là. C'était ouais, on s'est connu comment, nous autres? Non? Écoute, c'est CJVQ. On a fait quelques transactions. Puis après ça, à force de jaser dans les réunions et tout, là, maintenant, on était au bar. Pas au bar, excuse-moi, à l'arcade. Es-tu venu sur Frontenac, toi? Je suis venu une fois sur Frontenac. OK. Puis souvent sur Moreau avec Moreau, le temps. Tu venais, à force de connaître tout le monde et tout. Ouais, c'est plus sur Moreau qu'on s'est connu pas mal. Mais c'est ça, fait que les on jase entre nous autres, puis tu sais, moi j'avais un moment donné un fucking Uncharted Waters, là, je pense, que j'ai payé pas cher, je te le vends le même ben, prix, ouais, c'est ça, il faut puis le King de Saint-Eustache, il est très, c'est comme le Robin des Bois, ouais, là, tu sais, il achète tous les beaux lots, là, qui sont hot, il les achète, il ramène ça chez eux, puis il redistribue aux pauvres collectionneurs comme nous autres, c'est à très bon prix pour... très peu ou même pas de profit des fois. Puis c'est pour ça que le King est le King. Et puis c'est comme on se connaît en passant. Je connais tes besoins, ouais, tu connais les miens. Je sais qu'est-ce que l'autre il cherche. Je sais qu'il y a un qui trippe Game Boy. L'autre, tu sais, Joe Brochu, quand il y a du unlicensed NES qui passe, je le tag immédiatement. Moi, je reçois des notifications de la minute qu'il y a un lot Atari qui pop à quelque part. Le monde, ils savent que je trippe là-dessus. Fait que je suis notifié tout de suite. Fait que c'est comme ça que tu poses ta collection. Ah, exactement. À bon prix. C'est en faisant des. Tu sais, il y a des gens qui le font pour le profit, puis qui magouillent, puis qui essaient de crosser, mais ça, c'est vraiment. Ça va marcher une fois. Ouais. Après ça, c'est ce qui fait qu'il dure, c'est justement c'est les contacts. T'sais, moi, personnellement, je jette pas beaucoup sur les pages. Mais là, je suis rendu à la fin de ma collection. J'ai besoin d'avoir des morceaux vraiment uniques que je trouverais probablement jamais dans une vente de garage ou dans ces places-là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ben. Je commence à mettre plus mes affaires en vente, puis en acheter un peu plus aussi. Puis, je commence à faire connaître les gens, puis tu jases toujours un peu, puis des fois, ça débouche à d'autres choses. Fait que, tu sais, le réseau est vraiment important quand tu veux aller plus loin dans la collection. Tu sais, quand moi, j'ai commencé, comme je dis, je faisais beaucoup les ventes de garage, j'ai fait encore. Tu sais, les friperies, ces affaires-là, puis tu sais, je fais quand même encore des belles trouvailles, même si c'est sûr qu'on en fait moins qu'à l'époque. Mais... t'sais, si tu veux monter au next level, t'as pas le choix d'avoir des contacts et des amis. T'sais. Absolument. Pis c'est pas juste des contacts, c'est des amis, en fait. Je pense que c'est du monde que tu sais que, OK, ouais, t'sais, on s'en doute. Comme autrefois, pogne à Castlevania, ah, t'sais, on s'arrangera plus tard avec ça. T'sais, ouais, on se stresse pas avec ces affaires-là. On se stresse pas avec le prix, t'sais, comme j'ai un pending 300. Je te tiens un jeu pour 300$, je sais que tu vas me le payer. C'est je ça. M'en fous, je te l'achète, je sais que tu en as besoin. Je mets le bill, puis tu me le payeras plus tard, puis tu vas être content. T'sais, c'est... on devient des amis, tu sais. Exactement. Il y en a que non. Ben, c'est ça. Comme je dis, c'est ça qu'il faut mais se souvent, rappeler. C'est pas parce que, tu sais, c'est parce que des fois, il y a des mauvaises intentions en arrière. C'est ça. Il y a comme ah, ouais. Un gars-là, des spéculateur. Des fois, il gosse, tu sais. Des fois, il... en tout cas. Mais tu sais, ça reste toujours le fun, pareil, se faire une chasse aux cassettes. Une ah, journée, c'est plaisant, avec des amis, man, c'est plaisant. Bon, marcher aux puces, Saint-Eustache, c'est rendu difficile. Faut que tu lèves le bonheur. On est tellement fait de semaine. Les Power Chasers sont allés en Outaouais, là. Ils ont fait... deux fois. Moi, je suis allé une fois, puis ils ont fait un autre run dernièrement. Ils ont fait carrément d'autres magasins. Mm. Là, j'ai vu le lot qu'ils ont ramené. Je suis ah, man, asti. Tu sais, comme une journée game chasing. Ah ouais. Aujourd'hui, on part à matin, tout le monde, on se prend un bon café, puis on fait comme 6 spots dans la journée. Il n'y a rien de plus plaisant que ça. Ah. C'est puis vraiment fun. C'est sûr que les marchés aux puces sont rendus difficiles. Là. Ceux qui y vont savent que, ben, tu sais, justement, on est allé en fin de semaine. Fait qu'il a fallu se lever à 5h30 pour partir à 6h30. pour arriver à Saint-Eustache à 7h, 7h15, alors que les gens s'installent avant que les pickers, les gens qui passent pour tout ramasser. T'as-tu réussi à avoir du succès? On a ramassé quelques trucs. En fait, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était ouvert le vendredi. Puis c'est vendredi dernier, c'est vendredi tout saint. Fait ramasser, ouais. Fait que tout le monde était comme « Ah, ben j'en avais hier, mais j'ai tout vendu. » Ah. Malheureusement, mais on a quand même ramassé des petites affaires, tu sais, mais rien que j'avais besoin pour ma collection en tant que tel. C'est ça que, comme on dit tout à l'heure, tu sais, c'est ça devient de la monnaie d'échange finalement. Tu sais, c'est comme ça qu'on on se refait, on n'a pas le choix. Ah ouais. L'autre affaire aussi que j'ai remarqué, c'est ça, c'est vraiment. Ça, je suis curieux de savoir si t'as déjà fait ça. C'est qu'on arrive au moment où les gens font leur grand ménage de printemps. Puis là, aujourd'hui, c'était la journée des belles vidanges. Là, c'est la journée où il y a bien des gens qui sortaient des boîtes d'affaires de leur sol qu'ils mettaient au bord du chemin. Tu sais, mon voisin à côté, il y avait une pile de NHL ou Xbox 360 ouais. qui a pogné à pluie, évidemment, parce qu'il y a plus, mais tout. Il y a de plus en plus de gens qui font ça, du dumpster diving. Ah, de ouais, ramasser ouais. des fouiller dans les poubelles, littéralement. J'ai entendu parler d'EB Games ouais. aussi, que c'est arrivé, ça. Ouais, aux États-Unis, ouais. c'est très populaire dans les EB Games et tout, au point que EB Games, maintenant, barre leurs poubelles. Mais tu sais, au Québec, je connais des gens qui ont ramassé des affaires dans les poubelles. Des fois, tu sais, comme... Tu peux pas faire ça. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de ramasser. J'ai un voisin qui a sorti une boîte d'électronique defect. Ben, moi, pas. Je regarde toujours. Ah ouais, tu regardes. Je me mets pas les mains dans un sac à poubelle. Non, non, non, non, non. Mais non, s'il y a des boîtes, des chaises, des meubles, jette un coup d'œil au tas. Ben, quin. Si je vois à travers du tas qu'il y a une boîte qui a de l'air d'avoir peut-être l'électronique ou quelque ouais. chose de pas écœurant de, dans le sens de dégueu dedans, ben, je vais l'ouvrir avec mes mains. C'est ça. Un ah, c'est ça. Moi, j'ai pogné des bâtons de hockey, des buts de hockey à mes gars. Ouais. Des, moi, j'ai ramassé bien des manettes des affaires dans la main. Moi, mon cousin a ramassé son TurboGrafx 16 comme ça. Ouais. Dans une poubelle avec trois jeux. T'sais, une console qui vaut à peu près 150$ maintenant. Là. Donc, ah, ouais. Tout marchait bien. C'est juste que la madame, elle voulait plus. Exact. Tu sais, en tout cas. Elle était trop paresseuse pour aller au dépôt. C'est ça. Mais je vais jamais me lever pour faire les vidanges. Non, mais il y en a qui le font. Moi, je quand je vois un tas de vidanges, ben, j'imagine que le 1er juillet, les gens ils doivent se promener un petit peu plus pour jeter un œil dans les vidanges. Là. Mais pas rien que pour les jeux vidéo, précisément. Non, non, mais c'est ça. Ben, il y a des gens qui vendent des vidanges aussi. Tu sais, quand tu fais les. Moi, j'ai. Dans mes rondes de vente de garage, j'ai un monsieur qui un monsieur super gentil, tu sais, il sait pas lire, puis bon, mais il sait compter. Ça, par contre, il me l'a dit, moi, je sais compter. Okay. Ce monsieur-là, il me dit toujours, moi, là, je passe à la fin de la journée les ventes de garage, je donne les poubelles, puis tu sais, il y a toujours du beau stock que le monde garde pas, puis si tu viens me voir, tu cognes à ma porte, puis tu rentres, puis tu sais, on regarde ce que j'ai, puis je l'ai pas fait, là, c'est quand même, c'est permis de. Mais bon, le monsieur, il est souvent installé, puis bon, je vais le voir, puis toutes les fois, il y a toujours une petite pile de cassettes, puis des affaires, puis tu sais. Il connaît quand même ses prix, tu sais, il est pas dans le champ, tu sais. Ouais. Lui, il va pas te vendre des cassettes à une pièce, mais tu sais, il va se dire, ah, ça, c'est tout à peu près 5-10 pièces, tout dépendant. Là. Il est capable de reconnaître un peu les affaires, puis tu sais, toujours le fun. Tu jases un peu avec, là, mais tu sais que lui, là, il fouille un peu à des places que tu serais peut-être pas nécessairement. Ouais, c'est ouais. Ça. Le premium que tu payes, c'est d'avoir les mains propres. Exactement. Exactement. Ouais. Fait que c'est ça, man. Le game chasing d'aujourd'hui, ça se passe, en ce qui me concerne, vraiment beaucoup. 90% par ordinateur. Puis pour le reste, c'est quand j'ai le temps de prendre congé des enfants ou whatever, ou que j'ai réussi à convaincre ma blonde au travers de toutes les autres activités qui concernent le bar ou je sais pas quoi. Puis des parties de hockey ici, puis tout ça. C'est ça. Je vais aller avec les Power Chasers aujourd'hui. On va partir toute la journée. On va à Granby. T'sais, j'essaye, là, mais... Moi, je suis encore classique. Tu sais, je perdure à me taper 10 ventes de garage pour rien. Autant que tu peux, fais-le, man. Les friperies, tu sais, comme cette année, on blague, mais tu sais, dans les friperies, je suis tombé sur une petite pile de jeux de boîtes, de sport et tout, dans une friperie, tu sais, traînant tout ce comptoir. Puis le gars, tu sais, je peux-tu voir ta pile? Puis il me sort la pile, tu sais, puis c'est du sport. Puis là, je tombe sur un jeu de Sega Genesis, Crusader of Senti, qui est comme... Wow, ça vaut genre 150 piastres. 300, maintenant. 300, loose? Ouais. Tabarnak. Puis tu sais, c'est un jeu que j'ai toujours voulu avoir, mais tu sais que le prix, là, t'es comme... Chris, ça arrive encore de tomber sur, un, des affaires qui valent cher, mais surtout, deux, des affaires que je vais pas revendre, là, tu sais. Ça va dans ma collection, puis je vais le jouer, puis je suis content. Ça c'est là, plaisant, ouais. Ça, ouais. Tu sais, il y a toujours des petits rayons de soleil, comme ça, de temps en temps, pour te donner un peu le goût de continuer. Puis tu dis, bah, gars, écoute. Ouais. Écoute. J'ai pogné au Village des Valeurs, proche de chez vous, un Star Wars au Super NES, Return of the Jedi complet, tu sais. Ouais. Là, j'étais, waouh, tu sais, comme 15$, je pense. Je me rappelle plus, là, quelque chose de même. Ben, Chris, bon deal. C'est mon bon deal des 6 prochains mois. Ça, c'est... Ah, écoute, il faut que tu sois constant. Comme je dis, il faut que tu trouves une ronde, une façon que tu as de faire. Tu sais, moi, il y a des places que je vois tous les jours. Les gens me connaissent. Ouais, ouais. Des fois, ils me disent, hey, repasse demain. OK. Puis, tu sais, il faut. C'est la même chose, c'est la même game. Faut que tu fasses des contacts, des amis, tu sais. Puis, ces gens-là, ben, c'est ça, tu sais. Des fois, ils sont game de mettre des affaires de côté, puis d'attendre, tu sais, de t'appeler. Ouais. Moi, il y a une anecdote comme ça, justement. Il y a un pawn shop sur Ontario, justement, que le gars m'avait dit, hey, on passe telle date, on sort du stock, il va y avoir du beau stock. Fait que, tu sais, j'étais comme, OK, moi, j'ai mis ça dans mon téléphone, j'étais bien content. Puis là, petit Joe, fait que là, mon buddy, petit Joe, tu sais. Je dis, hey, il faut aller à ce pawn shop-là telle journée. Il dit, OK. Fait que là, la journée même, je rappelle, tu sais, il faut y aller au pawn shop, faut pas l'oublier. Là, le gars, il nous a dit qu'il allait sortir du beau stock. Il dit, ah, je vais y aller. Fait que, tu sais, j'ai pas de nouvelles. Le lendemain, je suis comme, tu sais, il y avait-tu de quoi? Il dit, non, il dit, c'était la même cochonnerie que d'habitude. Là. C'était des jeux, c'était pas, il y avait rien de bon, puis c'était pas bon, en tout cas. Fait que ça reste comme ça. Puis là, maintenant, on va faire la chasse ensemble. Puis là, tu sais, on commence à rejaser de ce pawn shop-là. Puis là, j'étais comme, c'est quand même dommage, tu sais, le gars, il nous avait dit qu'il allait avoir du stock. Puis là, tu sais, comme, ah. Puis je dis en plus, ce pawn shop-là, tu sais, d'habitude, ça fait longtemps qu'il n'y a rien sorti. Puis là, il me regarde, il dit, ben non, mais. Il me semble, il sort tout le temps de la cochonnerie pas bonne et tout. Je suis comme, ben oui, non, mais. Puis là, maintenant, on s'est rendu compte qu'il avait pas été voir le bon pawn shop. Ah, c'est ça. Fait que là, comme de fait, on est comme, tabarnak! Fait que là, on repart en panique, on retourne à l'autre place, on arrive en là, tu sais. Le gars, on arrive là, tu sais, puis il reste 2-3 qui a cette nouvelle. Puis on lui dit, hey, t'avais un loup qui sortait. Il dit, ah, il dit, parle-moi-en pas, j'ai sorti ça, j'ai même pas le temps de le voir, ça a tout parti de suite dans la première heure. Là, j'étais ah comme, ouais. Ah. Fait que tu le sais qu'il y avait du bon stock. Des fois, tu sais, pricé. Les gens, ils chassent souvent sur les pawn shops, tu sais, puis bon. Les pawn shops, l'avantage, c'est que. C'est négociable en esti. C'est négociable en esti. Ouais. Et deux, les gars, ils connaissent pas autant qu'ils pensent. Tu sais, des fois, ils vont te mettre un Mario bien cher, puis à côté, il va avoir un autre cassette que. Oups, ça, celle-là est. C'est ça la beauté de la chose. Quand il parle, j'ai vu un Balloon Fight, la fille, elle le vendait 100$. Ouais, c'est Mario dessus. Ben non, c'est pas Mario dessus, puis ça vaut pas. Tu sais, fuck you. Ils connaissent tellement rien que c'est ça qui était drôle. Puis j'étais allé, pour finir, tu sais, j'étais allé le pawn shop le plus proche de chez nous. Il y avait un Atari 2600 en boîte. La boîte était maganée. Puis le gars, il dit, ben, il est defect, là, tu sais. On l'a testé, puis tout. Puis il est defect, tu sais. C'est comme un peu pour les pièces, là. Puis il y avait des jeux, on a plus de jeux. En tout cas, ben, ça, on a de la boîte, tu sais. Je vais jeter un œil. Là, bien sûr, dans la boîte, il n'y avait aucun adapteur pour brancher le RF à TV pour le tester. Fait que j'ai dit, c'est clair que tu ne l'as pas testé, premièrement. Deuxièmement, la manette qu'il y a dedans, c'est une manette third party. L'autre manette, il y a le black là-bas. Ça, c'est la vraie manette, mais là, avec. Et tu vends 10$ trop cher, puis tes jeux, ils sont là, en dessous du comptoir. Peux-tu les sortir? Les gars, ils nous bullshit, tu sais. T'as eu ça, t'as aucune fucking idée de comment tester ça. Tu sais rien. Il dit, ah, pour les pièces, il marche. Oui, non, mais non, on n'a pas de jeu. On l'a testé. T'as rien fait, est-ce que tu manges pas? Des fois, c'est. L'as-tu pris? Ben, j'avais pas moi-même le. Il aurait fallu que je retourne chez nous, aller chercher l'adapteur pour le tester. Mais anyway, je l'aurais acheté pour le bar pour qu'on le mod, pour qu'on puisse l'utiliser. C'est ça, le fast tire. Mais on a déjà un, là, puis on va s'organiser avec ça. Mais, bon. Je sais qu'il y en a un là qui dort. Si j'en repense, non, mais ça dort. Là. Ce stock-là, il faut que tu le spots. Des fois, il y a de quoi que tu veux, mais pas tant que ça. Ouais. Puis le truc, c'est que tu l'achètes pas. Mm-hmm. Tu le laisses dormir là, puis là, maintenant, un mois plus tard, là, tu regardes le gars, puis tu dis, hey, ton Atari en boîte, là, ça fait longtemps qu'il est là. Ah ouais, ouais, ouais. Surtout à la fin du mois. À la fin du mois, les pawn shops, ont du mois, cash à rentrer. Fait que là, il dit, genre, gars, check, je t'en débarrasse pour 10$. Là. Ouais. T'sais, puis là, oh non, je peux pas payer ça. J'ai payé ça plus cher, c'est comme, yeah, tu sais bien qu'il part pas, là. c'est là que la grosse game à part. Ouais. L'autre affaire qu'on a découvert aussi, tu sais, avec mon buddy Tidjo, tu sais, Tidjo, salut Tidjo Miel. Il est plugué, ce gars-là. Ouais, il est plugué en Chris. c'est pas une guenille. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand on est à deux, ça va tout le temps bien. Plus agressif. Vraiment, c'est comme deux contre un, mais c'est pas agressif à rien, c'est juste, tu sais, le gars, il demande son prix. Ouais, 40$, puis là, tu sais, là, t'es deux, t'es comme... Moi, je pensais à 30. Tu sais. Ouais, moi aussi, je pensais à plus 30. Là, tu sais. Ouais. Là, on dirait que techniquement, mathématiquement, t'es 2 contre 1. Là, c'est comme la majorité gagne. Dans leur esprit. Exactement. Oh, à 30$, correct. Là. 30$, correct. Ouais. Tu sais, c'est toujours bon de ne pas y aller. Trouvez-vous un bon body là, pour faire peur. Yes. Ou quelqu'un qui répète vos prix. Même s'il connaît rien. Ouais, moi, je pensais à 30$. Ouais, comme il dit. C'est ça. Pareil. Fait qu'on va closer ça, dans le fond. C'est pas mal l'heure, Jeff. Oui, ouais, yes. Pas mal, ouais. Good. On va se coucher un peu. Discussion à sens unique. Ouais, c'est ça. Fallait classer. Ouais, la caméra, elle arrivait jamais du bon mot de Bruno. Fait que voilà, faites-vous des contacts puis suivez les bonnes pages sur Facebook. Yes. Yes. Soyez constants. Soyez ouais. constants. La régularité, les fibres. Les fibres. Les réguliers. Le R brand du chasing. Qu'est-ce qu'on a annoncé là en finition? Ben, toujours rappeler au Patreon de ceux qui veulent devenir Patreon d'aller sur patreon.com rétro nouveau. Si oui. vous voulez avoir accès au pre-show, on rappelle que c'est pas le montant qui est affiché que vous devez payer. Ça, c'est vous pouvez donner 1$, vous pouvez donner 10$. C'est le montant cumulatif qui est affiché. C'est par mois c'est et que ça se paye. Vous allez sur Patreon après ça, puis à chaque début de show, on vous donne le lien vers le pre-show. Je me demande si vous pouvez même pas avoir un crédit d'impôt pour ça. Peut-être. Probablement. Ouais, peut-être. Faire des programmes spéciaux. Là. Puis aussi, aller sur notre site, le retronouveau.ca. Il y a des tops qui sont arrivés. Il y a eu le top de PS2 qui est arrivé. Un top de PS2 par Matt Bennett, notre collaborateur puissant qui a mis des jeux de PS2 pas piqués des verres. Ça, et c'est puis, très pratique, justement, quand on parle de game chasing. Quand il n'y a plus de Nintendo nulle part, ben, ouais, tu chasses le PS2, puis tu chasses le Wii, puis il y a des gems là-dedans qui se retrouvent souvent au EB Games ou dans les pawn shops. Ça vaut vraiment la peine de checker pour ces jeux-là, précisément. C'est vrai. Puis on a aussi un top beat'em up. Oh yeah. Et puis, vous pouvez regarder nos archives aussi pour les gens qui viennent de joindre à nous. On a plein de stocks en banque. On a quand même pas mal de stocks. On est rendu à... Stock depuis 2011. 103 épisodes depuis 2011 quand même. Puis c'est ça. Puis continuez à regarder notre page Facebook. Sur Facebook, on poste plein d'affaires. On est très, très actifs et réactifs. Puis c'est pas mal ça. La boutique en ligne, toujours. La boutique en ligne, c'est vrai. Sosayedisix.com/Young, Y-O-I-N-K. En effet. Tous les podcasts de Young sont là-dessus, dont Rétro Nouveau. D'ailleurs, le magnifique Gaminet Rétro Nouveau avec une illustration de Caroline Brault est en vente. Il est très, très joli. Vous pouvez vous le procurer à cet endroit. On va faire un cadre avec ça pour ma game room très bientôt, monsieur. D'ailleurs. Quand je vais avoir fini de réaménager. Là. C'est si beau. Ah, c'est exact. Magnifique. Fait que là... Placer ton gris. Yes! Placer ton gris. Là, les gars, je sais pas, vous avez l'air de checker vos téléphones. Y a-t-il quoi qui se passe de grave? Ou... Moi, j'ai une notification là, d'un jeu là, que j'ai besoin. Voyons donc. Je suis en train de... Qu'est-ce que c'est? Hey, wow, t'as Chris, arrête d'enchérir dessus. C'est à moi ce jeu-là, je veux l'avoir.